KL, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr. Mickaël n'est pas belge. Il n'est pas radin. Je n'ai pas une petite nature. Il n'a pas de cheveux blancs. Voilà, comme ça il sera content. Tout ça n'est qu'un mensonge, une conspiration. 21h minuit. 21h minuit, c'est pas Mickaël sur Pas Énergie. Voilà. Voilà, effectivement. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Et que vous avez passé une bonne dernière journée de semaine. Ah bah ouais. Toujours, c'est la dernière. Ah bah c'est ça, surtout que ce soir à partir de minuit, l'Inox Festival en direct de Toulouse qui sera diffusé sur Énergie juste après The P.O.L.O. Show. Voilà, c'est comme festival ça, vous le savez. Trop, ça. Exactement, ouais. Donc ouais, à partir. C'est un festival de couvert. C'est drôle. Ça. Ouais. À partir de minuit, on aura l'occasion d'en reparler. Bien évidemment, pour ceux qui étaient là hier soir, il y a déjà eu la première soirée hier. Bon, ce soir, pas mal de choses que nous ferons, comme tous les vendredis. L'expression du jour, ouais. Que nous ferons bien mal évidemment. Encore. Oh bah c'est l'expression du jour en même temps. Hein. C'est en général, ça fait mal. Oui, je pense qu'on peut le dire. On aura également un petit chéri, je t'ai fait cocu, ou un petit javé. Si vous voulez vous inscrire d'ailleurs à l'un ou l'autre, n'hésitez pas. 612, débutez votre message par énergie, puis vous laissez cocu ou javé derrière dans votre message, bien sûr, avec votre numéro de téléphone. Micha se fera un plaisir de vous rappeler. On aura le mag également. On aura un petit blind test aussi, comme tous les vendredis ou presque. On ira chez Jean-Claude pour le plus grand plaisir de la rousse. C'est quoi? Qui c'est qui s'y colle pour blind test? Qui c'est qui? Bah, je sais pas, écoute, on verra bien tout à l'heure, j'en sais rien. Je sais pas, le roule a fait la fois passée. On va réfléchir, on va voir. Ouais, moi j'ai peut-être une petite idée. Bon, je sais pas, on verra bien. On verra bien tout à l'heure. Outof, je sais pas. Comme tu veux, moi j'en ai un de prêt. Ouais, j'en ai un de prêt. Écoute, on verra bien. De toute façon, on a encore un petit peu de temps avant ça, quoi qu'il arrive. Le polo show, j'en ai parlé. De Surgeries, ouais, effectivement. Qui seront en interview ce soir de Surgeries, un groupe de rock français. Qui chante en anglais et bah j'avais cru à l'époque. Non c'est pas ça mais ouais il y a de fortes chances. Faut dire ce qui est quand même. Hein. Et donc de sorte du rythme pour ceux qui connaissent pas c'est Beautiful Day c'est ça. Qui a 2 ans a priori, hein, je pensais qu'il était plus récent que ça. Mais c'est bon. Vrai qu'au niveau de l'accent, maintenant que tu dis que c'est des Français, ça s'entend. Ah bah franchement, moi je trouve pas quoi. Je sais pas, tu entends la différence toi? Ouais, quand il dit j'ai raté le train, I missed the train, tu vois, à cause d'une grève sûrement. Ah ouais, ouais ça doit venir de ça probablement, ouais. Bon, et puis donc Sarco Game, bien sûr, que nous ferons d'ailleurs si vous voulez vous inscrire, 612, débutez votre message par énergie avec votre numéro de téléphone et mettez Sarco dedans, bien sûr, et les radios chatas, comme tous les vendredis. Nous accueillerons Bilou d'ici quelques instants. Il est pas encore là, c'est pas la peine d'être chiant, Tof, avec ça. Hein. C'est voilà. Très chiant quand tu fais. Ah, c'est insupportable. Parfait. Non, mais c'est vrai, comment va Sandro? Ça va. En pleine forme? Bah oui, dernier jour, ça va. Remise du McDo de mercredi, combien de kilos en plus? Mais j'en ai pas mangé, j'ai mangé juste la glace. Mais si, ouais, et t'as j'ai croqué une deux fois. Gros à chaque fois. Oui, dans le Big Mac, voilà. Deux fois dans le double cheese. Ça fait donc un Happy Meal. Non, ça fait... Bah oui, si. Bah, ça fait un Happy Meal. C'est un équivalent d'un... Il y a de la calorie dans le Happy Meal. Hein. Oui, bah ça va très bien. J'ai dit que je faisais pas de régime. Hein. Je sais pas pourquoi vous m'en parlez à chaque fois. Ah oui, c'est nous qui... Ça, c'est incroyable. J'ai dit que je l'avais mis de côté pendant quelques semaines. Ouais, c'est ça. Bah oui. Ouais, bah oui. Ça doit être ça. Bon, Tof va bien aussi. Tof va très bien. Bon, très bien. La rousse également. Ça va très bien. Tant mieux. Ah bon, Jack aussi. Ouais, ben bon. Ouais, comme je te dis, à chaque fois avant le week-end, on se fait bien mal avec l'expression du jour. Ça m'angoisse un peu. Ouais, mais c'est ça qui est bien. Après, c'est un week-end pour t'en remettre. Ouais, voilà. Il se mal pendant 2 jours. Ouais. Bon, mais ça dépend. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Je sais pas. Si vous avez des idées d'ailleurs d'expression du jour à nous proposer. De ce qu'on va faire, on se demande tous qui est-ce qui va le faire. Ouais. Oui, oui, aussi. C'est ouais. Ça notre grosse tout angoisse. Tout le monde ce soir. C'est vrai. Pour sauf le vendu là. Enfin, on verra. Vendu Mickaël, qui ne le fait jamais parce qu'il doit animer. Tu te fous de ma gueule combien de fois je l'ai fait dernièrement là? T'as rien fait, tu fais que les trucs que t'as fait. C'est quoi la dernière que t'as faite? Non, mais vous vous foutez de moi ou quoi? T'as fait 3 peut-être. Déjà la dernière fois, j'ai reçu une patate. Depuis 5 ans. Arrête un peu, mon Dieu, on fait pas ça depuis 5 ans. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il le fait, il se blesse plus que quiconque. Exactement. C'est Mickaël le plus drôle. Mais arrête un peu, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle. Mais non. T'as fait tourner autour du pot. Tourner autour du pot, j'ai failli finir à l'hosto. Ouais, mais attends, il y a que toi que ça. J'ai fait le tirer là quand Micha m'a foutu une espèce de noix en plein milieu entre les deux yeux, ça m'a fait un mal de chien. T'as failli mourir. Exactement. Oui, mais je sais bien que j'ai failli mourir. Mais je sais bien. Quand tu les requins, donc. Ouais, c'est ça. Les requins. Les requins. En fait, Mickaël, c'est le Pierre Richard de l'équipe. Ça doit être ça. Ouais. Non mais Tof, c'est des requins aux États-Unis. C'est des requins aux États-Unis. C'est des requins voilà. Aux États-Unis. Ouais, c'est horrible. Écoute, c'est gagner du temps comme ça. Ah non, bah tu gagnes pas du temps. Bon, là. Allez, perdons-en un petit peu avec le répondeur maintenant. 0-1-40-71-3400. Est-ce que vous avez laissé que 2 des expressions du jour. Mais non, mais je m'en souviens pas de toutes. C'est ça le problème, c'est que nous non plus. Mais oui, bah c'est ça. Ouais. Bon, allez, on va écouter maintenant donc les messages que vous avez laissés au 0-1-40-71-3400. C'est parti. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Ne sèche pas un cours, sèche toute la journée. Ne pousse pas dans les couloirs, dans les escaliers, ça fait plus mal. N'emprunte pas à tes camarades, vole-les, ne copie jamais, décalque. Ne fais pas de croche-pied aux autres, attends les profs. Ne parle pas en classe, crie, tu obtiendras plus d'attention. Ne dépasse jamais une ou deux personnes dans la file de la cafétéria, dépasse toute la file. C'est mieux si un prof se tue à t'expliquer quelque chose. C'est dur de comprendre, hein. Sois patient, ça fait mourir. Tais-toi en cours, respecte le sommeil des autres, voyons. Voilà, c'était 10 commandements de l'école. Fin du message. Ouais, c'est un coup de gueule. Alors, en fait, je voudrais vous demander si vous pouvez passer du Linkin Park ou du Paramore. Ça serait cool, ça. On a déjà fait les deux. Message suivant. Ouais, nous, c'était pour savoir, est-ce que tu pourrais passer un morceau de Rammstein? Fin du message. Message suivant. Allô, Toff, et ben, je voulais dire que je t'aime, tu es le plus beau. Et Kuro, tu peux. Merci. Message suivant. C'est pour faire une petite blague sur les Belges, mais vous fâchez pas, c'est marrant. Alors pourquoi les Belges, ils ont besoin d'une parabole dans leur cave? Bien sûr, pour capter les Pays-Bas. Fin des nouveaux messages. J'ai déjà entendu des vannes sur c'est les Belges de merde. C'est pas de se fâcher, là, qu'il est question. Là, c'est mauvais. C'est juste que y c'est... Il y en a des tonnes. Hein. Ouais, bon, pourquoi ça va, elle est pas vraiment horrible. Mais pourquoi les Belges mettent le journal dans le frigo? Pour avoir les infos, pour avoir des nouvelles fraîches. Ah oui. Les Belges nagent toujours au fond de la piscine? Parce qu'au fond, ils sont pas si cons. Voilà. Ouais. C'est là que t'es drôle, quoi. Mais non, enfin, ça marche avec les blondes. Mais non, mais ça marche. Oui, voilà, ça marche avec les blondes, ça marche avec les Français, les Marseillais, les Parisiens. Les Français, les... Non. Bah si. Bah non. Bah pourquoi? Bah parce que les Français sont pas cons. Enfin si, ils le sont, mais pas dans les blagues. Oh. Faut la faire en Belgique, cette vanne sur les Français. Ah oui, bien sûr. Voilà. Non, mais je disais que ça peut se faire, pas forcément avec des Français où ils vont pas se défoncer eux-mêmes. Ouais, ça serait c'est complètement con. On est bien d'accord. Par contre, nous en Belgique, on le fait, tu vois. C'est oui, mais c'est non, mais c'est l'autodérision. Voilà, c'est parce qu'on a de l'humour. Vous avez pas le choix. Arrête un peu. Si. Oh là. Déjà qu'on a bientôt plus de pays. Oui, voilà. Oui, bon, ça, c'est un autre. Parce que j'ai vu hier là, ils ont dissous le Parlement. Oui, bon. Mais demain ils dissoudront le pays et puis on en parlera plus. Mais voilà, et puis la Wallonie sera française. Bah ouais. Ce sera le 99e département. Mais non, c'est plus eux que ça va déranger que nous, je pense. Hein. Ouais, je pense aussi. Mais attends, parce que ça veut dire que Charleroi deviendra une ville française. Ah, ça, c'est pas ça, on peut raser. Ça, bah non, tu vas pas raser. Ville. Déjà, on vous accueille. Non, on peut choisir de changer les meubles de place. Mais tu vas faire quoi avec le meuble? Avec Charleroi? Ouais. Bah tu fais un grand cratère. Mais non, tu l'envoies à Haïti. C'est ça, ouais. Que ça a pas trop changé, Haïti, Charleroi. Ouais, c'est ça. Bah si, Haïti fait meilleur. Quand même, hein. Non, ouais, sinon tu balances tous les vieux là-bas. Ouais, tu mets toutes les Charleroi, les maisons de retraite, ouais, voilà. Arrête les pauvres, c'est dur de vieillir. Ça les dérangera pas. Ouais, bah, justement, si, comme le taux de mortalité est plus élevé, au moins ça, tu vois, ça sera plus facile pour la retraite. C'est ça, bien sûr. Des incinérateurs. Ouais. Ouais. Ah. Bon, allez, au niveau du son ce soir, on mettra Ina, on mettra Bel Air DJs également avec Tu Facebook qui seront avec nous d'ailleurs la semaine prochaine. Si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas, ils devaient être avec nous mercredi, mais petite extinction de voix a fait que. Ils viendront la semaine prochaine. Les questions, bien sûr, sur mikael.fr. Cliquez sur la communauté. On mettra également Lady Gaga et Beyoncé. On mettra également Dan Balan avec Chicaboom. Chicaboom. Autant pour moi. On mettra du son rock US également. Vivi Brown. On aura Class aussi avec Our Own Way. Right. On salue également ceux qui sont sur le groupe Facebook. Il y a Nicolas, il y a Pierre, il y a Mélina également. Plus de 60 000. Pas mal. Ça y est, c'est fait. Depuis hier, donc ça c'est plutôt cool. Donc continuez à venir, hein. Ça se passe sur le www.mikael.fr en cliquant sur la communauté. Mikael, le podcast. Et puis nous allons pouvoir passer maintenant au Radio Chatas, un petit peu comme tous les vendredis. D'ailleurs, on fera aussi le Sarco Game dans quelques instants. On aura aussi ce soir The Surgeries, ce qui est un groupe de rock français qui chante en anglais, un peu comme le groupe qu'on avait reçu Matière il y a quelques semaines et qui ont l'air plutôt cool d'après ce qu'on a vu sur internet. Et je vous avais fait découvrir le groupe avec Beautiful Day. Voilà, pour ceux qui avaient entendu. Sinon, vous pouvez aussi toujours, aller écouter ça sur mikael.fr. Radio Chatas maintenant, nous allons pouvoir démarrer. On salue également l'assistante de Bilou qui est déjà là. Oh là là, ta gueule. Bilou. Faut que Bilou vienne et qu'il fasse le c'est horrible. Bilou. Comment elle s'appelle l'assistante aujourd'hui? Bilou. Je crois que c'est Mireille. Bilou. Oui, c'est Mireille, effectivement. Ah. Bon, c'est qui la tête de con là qui arrête pas de crier? C'est ton fan. Non, mais c'est le Bilou, seul. Je t'aime. Oui, bah c'est le seul, salut unique alors. Comment ça va, Bilou? Bah écoutez, ça va et vous? Bah ça va, ça va. Tu as passé une bonne semaine? Oui, oui, j'ai passé une bonne semaine. Et toi? Ouais, ça va. Ah bah très bien, mais j'ai préparé l'émission. Et t'as fallu toute la semaine? Ah bah oui. Il fallait chercher les numéros de téléphone, il fallait téléphoner, il fallait... Ah, mais tu es un grand professionnel. Ah mais je sais bien, ça me prend une semaine pour faire deux speaks. C'est ouf. Ah oui, je sais. Combien t'es payé pour ça? Ah mais c'est bénévole, hein. C'est moi qui donne 10 euros par mois. Ah ouais. Bah oui. C'est Mickaël qui t'a enfumé. Donc tu donnes 10 euros par mois. Oui, voilà, c'est une association, effectivement. Ah, il paye sa carte d'adhérent tous les mois. Voilà, c'est ça. Oui, non, j'ai géré ça avec Monsieur Deleroux. Paraît-il, hein. Mais bon, ça a l'air d'être un escroc, une belle tête d'escroc. Oui. Ouais, il va faire un pouf. Ah bah écoutez, 10 euros par mois, c'est pas mal. Ah, c'est par mois, c'est 10 euros par mois, d'accord. Oui, 10 euros par mois, pas par jour, faut pas abuser non plus. Bon, on va faire les radios, je teste un petit peu pour ça que je suis là. Hein. Allez, c'est parti, on appelle le premier ou la première. Hein. Vas-y, Bilou. Allez, t'es le meilleur, Bilou. Allô. Allô, monsieur Mactard. Oui. Oui, bonjour monsieur Mactard, vous êtes en direct à la radio sur Radio Chatasse. Est-ce que Pardon? Vous écoutez souvent Radio Chatasse? Radio Chatasse. Non. Vous êtes à la radio, c'est Bilou. J'ai une petite question à vous poser, si vous avez la bonne réponse, vous gagnez des cadeaux. Non, une petite question, ça vous fait gagner des cadeaux et c'est gratuit monsieur Mactard. Oui, peut-être oui. Pour les enfants qui sont derrière. Oui, c'est quoi votre question? Alors la petite question, quelle est la différence entre le chocolat et le travail? 10 secondes. Dites au hasard, vous n'avez rien à perdre. Plus que 10 secondes. Je sais pas. Quelle est la différence entre le chocolat et le travail? Entre le chocolat et le travail, moi j'aime bien le chocolat, j'aime bien le travail, alors franchement je peux vous dire. Oh. Bon écoutez, la réponse était le chocolat ça constipe et le travail fait chier. Ah d'accord, oui. Merci. Bon c'est pas grave. Bon à savoir. Monsieur Mactard, oui. Est-ce que vous écouterez souvent Radio Chatasse? Pas du tout. Non mais dorénavant. Oui. Vous écouterez? Ah, oui absolument. Ah, d'accord. Quel est le nom de la radio? Pardon? Ah, le nom de la radio. Radio comment vous m'avez dit? Chatasse. Et la fréquence? Je sais pas. 109.3. 109.3. Comment? 109.3. 109.3, ok. Voilà, d'accord. Et le nom de la radio? D'accord, j'ai pris note. Non, le nom de la radio? Radio Chatas, j'en sais trop rien, je pense que c'est oui, Chatas. Oui, c'est ça. Et la fréquence? 109.03. 109.0, oui, presque, c'est ça. Allez, c'est bon, on va pas chipoter. Hein. Merci, parfait. Monsieur Vector. Je vous dis au revoir. Oui, moi aussi, je vous dis au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Bah, il avait l'air gentil, hein. Ah, il était en famille surtout. Bah, il était en famille, il avait l'air gentil. Bon, je propose qu'on appelle un deuxième directement. Bah, allez, c'est parti. Pour pas perdre de temps, allez, c'est parti, on y va, on rappelle. Enfin, on rappelle pas, on appelle un autre. Allô. Allô, monsieur Joseph. Oui, c'est oui. Lui-même. Bonjour, monsieur Joseph. C'est Bilou à la radio. Vous êtes en direct sur Radio Chatasse. Radio Chatasse. Sur 109.3 FM à Paris. 3. Est-ce que vous connaissez Radio Chatasse, monsieur Joseph? Ah, je suis désolé, pas du tout. Pas du tout, mais c'est pas grave, vous avez déjà entendu parler quand même, non? Ben voilà, la première fois de votre bouche, je suis très content. Eh ben, c'est magnifique, monsieur Joseph, soyez le bienvenu. J'ai une petite question à vous poser. Si vous avez la bonne réponse, vous gagnez des cadeaux. Je vous écoute. Alors, attention, écoutez bien. Qu'est-ce que sent un paix de clown? Attention, 10 secondes pour répondre à la question, gagner éventuellement des cadeaux. Là, ma maman ne m'a pas initié à ce genre de devinette. C'est dommage. Vous ne savez pas? 10 secondes pour répondre à la question. Qu'est-ce que sent un paix de clown? Vous n'avez pas d'idée même au hasard? Pas du tout. Pas du tout, et eh bien ça sent drôle. Ça sent drôle. Ça sent drôle, ben voilà. Vous voyez la vanne ou pas? Ah oui, absolument. Ah bah c'est génial. Vous écouterez dorénavant sur 109.3 FM Radio Chatasse. D'accord, c'est promis. Quel est le nom de la radio? Radio Chataf. Ah non, Chatasse, pas Chataf, Chatasse. Voilà. Et la fréquence? 103.9. Non, 109.3 presque. Et le nom de la radio? Radio Chatasse. Et la fréquence? 103.9. Non, 109.3. Voilà. La fréquence? 109.3. C'est parfait, monsieur Joseph. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Au revoir, monsieur Joseph. Il était gentil, hein. J'ai pas compris. Quoi? Ça sent drôle. Bah oui, ça sent drôle. C'est drôle, quoi. Ça sent drôle. Non, et puis ça sent bizarre. Un clown, ça sent drôle. Jamais, ça sent drôle. Non. Ah, d'accord. Bon. Et pourtant, c'est un site français où je vais chercher mes devinettes. Ah, mais c'est des Belges qui consultent, apparemment. Vous êtes pas français, Bilou? Hein? Ah non, pas du tout. Ah, vous êtes d'où? Je suis suisse. Ah. Pour changer? Oui, bah oui, c'est ça, hein, voilà, exactement. D'accord. Bon, je reviendrai tout à l'heure. Hein. Ouais, d'accord. Ouais, plutôt faire ça à ce moment-là, alors. Temps, hein. Allez, au revoir. Mon fan ne m'acclame pas. Non, ils sont fous. Jamais quand tu t'en vas. Hein. Voilà. Ouais, effectivement. Bon, heureusement. Hein. Parce qu'il y a un moment, ça casse un peu les oreilles de tout le monde. Bon, on en fera l'autre tout à l'heure des Radio Chatas, si vous en avez d'ailleurs à proposer. N'hésitez pas, des numéros, bien sûr. 612, débutez par énergie, puis vous laissez le numéro de la personne qu'on doit appeler, ainsi que son prénom. tout simplement. Et puis vous mettez chatasse, hein. Donc 612, débuté par énergie, vous mettez chatasse. Et puis après, vous mettez toutes les infos que je vous ai demandé. Mickaël, le podcast. Pour jouer avec nous, il y a Johan et Jonathan. Bonsoir les gars, comment ça va? Salut Mickaël, salut toute l'équipe. En pleine forme? Salut. En pleine forme? Ouais, ouais, ah, d'accord, ok. C'est très Jonathan bien. On dirait Jonathan, ouais. Non, on dirait Jonathan, ouais. Non, non, c'est Jonathan et Johan, très bien. Bon, Johan, tu appelles d'où? D'Aguenau, dans le 67. D'accord, très bien. Aguenau. Aguenau. Et puis de l'autre côté, Jonathan, tu appelles d'où, toi? Strasbourg, dans le 67. D'accord, aussi, pareil, très bien. Donc, Jonathan et Johan, nous allons donc jouer au Sarkogé. Pour ce faire. Avec qui? Ah oui, c'est vrai, merde, tu vas jouer avec qui, Johan? Attends, avec Sandro. Avec Sandro, très bien. Nous allons faire un test dans quelques instants. Vas-y, test. Attention. Attends, on teste. Ah oui, je sentais une simulation. Toi, va repousser le bouton. Non, ça va. Attends, vas-y, plus fort. Ah, arrête, ça picote. Voilà, bon, bah ça picote, c'est le principal. Et Jonathan, tu veux jouer avec qui? Crew. Parfait, parce que lui par contre, ah voilà, tu vois, le mien il marche tout le temps bien. Bah oui, c'est normal. Tu veux qu'on vérifie s'il marche toujours bien? Non, je te crois. Bon, bonsoir Nico, comment ça va? Bonsoir Mickaël, j'ai l'impression qu'on se fout un peu de ma gueule ce soir. Bah pourquoi? Bah il y a de la simulation dans l'air normalement. J'ai l'impression aussi, hein. C'est abusé, vous savez, Nicolas. Vous savez que la France se fout de votre gueule. Et je suis contre. Et vous êtes contre quoi, monsieur? Allons-y, lancez. Et je me bats pour que vous soyez honoré. Là vous essayez de me citer un auteur français. Pas du tout. Non, non, je me bats pour que vous ne soyez pas charrié partout. Oh, comme c'est gentil. Raillé. Comme c'est gentil, Raoult, dis donc. Hein. Cette bonté te perdra, Raoult. Bah oui, je me doute. Ah ouais, déjà bah tu te doutes. Oui, elle est déjà un peu perdue, effectivement. Bon, on va y aller donc. Première question. Alors, déjà, est-ce que vous connaissez la règle du jeu, Johan et Jonathan? Ouais. Ouais, bah je vais quand même vous la rappeler, on sait jamais. Moi, j'ai l'impression que Sandro, elle a fait un doigt d'honneur à monsieur le président. Ah bon? Mais non, mais tout de suite, vous extrapolez. Ah bah d'accord, je me suis trompé. Ah oui, ça doit être ça. Délation. Oui, normalement, oui, bah non, ça, vas-y, prends cher. Vas-y, délation pour le roux. Non, la délation. Ah! La délation ne vous dérange pas! J'ai pas compris ce que tu dis. La délation ne vous dérange pas. Ah, voilà. Ouais. La délation me dérange pas. Non. Non. Ah, mais prends-en une deuxième, par contre. Non. Ah. C'est le deuxième. Ah! Voilà. Oh, roux, tu chipotes là. Toujours à crier là. C'est incroyable, on dirait que tu prends du jus. J'arrête de crier. Ah, bah tu vois, c'est parfait. Vas-y, essaye pour voir. Non, c'est... Arrête! Ah, tu vois, il recommence. Bon allez, c'est parti, on va jouer au Sarko Game. Je vous rappelle la règle du jeu. Johan, donc t'as décidé de jouer avec Sandro. Si par exemple, donc je vais poser des questions en rapport avec les people ou avec Sarko. Si par exemple Johan, toi tu penses avoir la bonne réponse, eh bien tu n'hésiteras pas à donner ton prénom, à donner cette réponse. Si elle est bonne, tant mieux. C'est à ce moment-là Loro qui prend une décharge et toi tu prendras le point. Si jamais elle est mauvaise, à ce moment-là, Jonathan et Roux, puisqu'il a décidé de jouer avec Roux, peuvent à ce moment-là se concerter pour donner la réponse, ok? Et s'il n'y en a aucun des deux qui se décide à donner la réponse, ou du moins à essayer de donner la réponse, je choisirai personnellement l'un de vous deux, ok? D'accord. Allez, c'est parfait. On y va, première question. Qu'est-ce qui aide Demi Moore à rester jeune? Bon, déjà 17 semaines, c'est facile. Elle fait la moitié de son âge. Oui, mais c'est pas ça. Parce que Demi... Oui, c'est drôle ça, Nico. Oh là là. Désolé. C'est pas mal. Bon, Johan, merci Jonathan. Nico pour cette petite boutade. Ouais. Allez, au hasard, Johan. Avec qui joue Johan? Avec Sandro. Comme par hasard. Je sais pas. Allez, hop, décharge pour Sandro. Comme par hasard. Je le fais 1 sur 2, c'est toujours 1 sur 2. Voilà, on tiens, fait prends. Tous les deux. On se concerte et moi je te donne la réponse, ok? Ouais. C'est le sexe. Si tu le dis, hein, parce que moi j'en ai aucune idée. Hein. Oui, mais c'est pour ça que je te donne la réponse, c'est le sexe. Tromper, hein. Mais non, je vais pas me tromper, puisque sinon je me prends une décharge, c'est le sexe. Bah ça va rien dire. Non, parce que tu regardes. Je suis sûr de moi, arrête. Parce que moi je pourrais me tromper et tu prendras une décharge. Non, arrête, c'est le sexe. En tout cas, vous avez l'air âgé, le roux. Hein. Âgé, le roux. Pourquoi? Non, mais celle-là n'est pas passée. Vous avez dit ce qu'il a gardé jeune, c'était le sexe. Et puis... Ah oui, d'accord. Ah oui, non, celle-là n'est pas passée. Non. Pas passé ouais, vraiment. Enfin, si, elle est passée comme ça. Hop là, personne n'a vu. Elle était trop espacée, en fait. Bon, Jonathan, tu valides le sexe ou tu décides autre chose quand même? Moi, ouais, bah, je valide. Hein. Tu valides, bonne réponse. Décharge pour Sandro. Ah, okay. Oh, mes oreilles. Putain, ça là. Vous avez vu, celle-là, elle est passée, par contre. Oui, celle-là, elle est passée, effectivement. Deuxième question. 1-0 pour l'instant pour Jonathan Hiro. Qu'est-ce qu'un fan de Madonna vient de mettre en vente sur eBay en prétendant qu'ils avaient appartenu à sa star préférée? Johan. Johan. Ses chaussures? Mauvaise réponse. Décharge pour Sandro. Oh. Moi j'aurais dit parce qu'elle est un peu shaper, j'aurais dit son string ou ses strings. Non, c'est pas ça, Nico. Enfin, Nico, vous voulez un coup de main ou quoi? Non, mais je pense. Par contre, trouve bien un coup de jus. Non. Triche. Eh non, oui, j'ai pas. Ouais. T'as pas validé, n'est-ce pas? T'as pas validé. Hein, t'as pas validé. Allô? Moi, pardon. Moi n'a pas parlé assez vite. T'as validé? Ah et voilà, il a pas validé. Mais tu joues pas. Oui, je joue. Ben, c'était. Oui, Nico. Est-ce que l'objet a un applicateur qui peut s'ouvrir en corolle? C'est un... Non, ce n'est pas un tampax. D'accord. Ce n'est pas ça, effectivement. Bon, la bonne réponse étant... Oh, ils vont encore me faire chier, mais enfin bon. C'est pas... Ça va, il y a me juste dis un pas team une culotte. Dedans. Non, c'était les journaux intimes de Madonna. Oh, ça n'a rien à voir. C'est quoi les journaux intimes? Un journal intime. C'est un journal intime. Ah, d'accord. Ouais. C'est quoi? Il y en avait plusieurs. Sandro sort de son corps. Je ne pas intime, moi, je pense. Ça m'est réchappé des chartes. Non, arrête. C'est pour te remettre les idées non, en place. Arrête, je vais te défoncer après. Allez, question suivante. Pour l'instant, ça nous fait donc 1-0. Hein. 1-0, oui. 1-0 toujours pour. Ouais, mais je joue tout seul. Pour Jonathan Hérault. Sachant qu'on ne peut pas donner la première réponse en premier. Allez, Justin Bieber et sa maman se sont fait agresser à leur arrivée à l'aéroport de Nouvelle-Zélande. Que s'est-il fait voler dans la bousculade? Au hasard, Jonathan. Sa mère, on lui a volé sa mère. La casquette. Ah, c'est pas bête. Ah ouais, c'est pas bête, mais c'est pas ça. Allez, ah oh là, ça ah, fait merde. Mal. Sandro et Johan, vous pouvez vous concerter. Alors moi, j'en sais rien. Tu sais pas? Pourquoi tu joues alors? Et Sandro, il en sait rien non plus. Enfin, Sandro, ça, faire une belle décharge, tout ça. Je rigole, je sais pas du tout. Johan. Ton chapeau? Non, attends. Non, il porte pas de chapeau. Son billet mais sa mère peut-être. Non, c'est le. Mais sa mère, c'est sa mère qui s'est fait agresser normalement. Non, c'est ça. C'est oui, mais on a volé le truc de Justin Bieber, le ou la. Bah sa mère alors, il s'est fait voler sa mère. Non, c'est pas ça. Bah oui, c'est non, facile moi, de sortir d'un aéroport avec une personne pour avoir 12 réponses. Le bonnet, il dit le bonnet. Normalement, il devrait se prendre. Dernière réponse. Non, mais non, dernier. Trois réponses. Mais non, il avait dit le bonnet depuis de. J'étais en train de rigoler là. Vas-y, tricher, pas de soucis. Bonne réponse. C'est bien, Johan. Décharge pour l'euro. Oh, ça fait mal. Bon, bah ça nous fait un partout, ça. Ouais. Oui, avec trois réponses et un seul candidat à partout. Je la prends pas. Voilà, je la prends pas. Je fais la grève de la décharge. Il faut les partager. Mec, la prochaine fois, tu vas prendre deux fois plus. Et bah, je vais. Tu vas voir. Je veux deux réponses. Deux possibilités de réponses. De quoi? Deux possibilités de réponses. À Sandro, elle en a eu trois. Mais t'as triché deux questions avant avec Nicolas. Tu te fous de ma gueule ou quoi? T'as triché. Il était en train de te. T'as donné une réponse. Il t'a dit non. T'as dit non. C'est pas ça. Et bah, donc c'est ce que j'ai. Bah voilà, on les quitte, mec. Non, t'en as eu trois. Cette discussion. On en a pas eu trois. Il disait chapeau depuis le début. Elle est en train de batailler. Moi j'ai arrêté de parler. Parce que vous me cassez les bureaux. Bon, c'est terminé. Bah oui. Sinon moi je l'arrête la discussion. Non, tout va bien. Bon allez, on y va, c'est parti. Dernière question. Du coup, je sais pas si je l'ai posé celle-là. Bon, on va voir bien. Dans une interview qu'il a donnée à Playboy, Matthew Fox, le héros de Lost. Oui, je l'avais déjà faite effectivement puisqu'elle ne veut rien dire en français. Excusez-moi parce que je suis un peu en galère de questions, c'était la dernière. Alors, attendez. Un petit coup de jus pour Michael quand même là. Non, mais ça ira très bien. Attention, c'est parti. Je peux amener l'électrode. Non, ça va. Ah, c'est non, c'est Michael. Mais c'est dingue ça, c'est dramatique, je les ai toutes faites. Pourtant, je les fais pas toutes tous les jours. Filme. C'est bizarre, dis donc. Alors attendez, j'en refais une petite dernière. Ah, oui. Excusez-moi. Nico, je fais vous avez inventé sur vous là. Oui. Inventé. Je réfléchis. Oh. Allez, c'est parti. Je crois que je l'ai déjà faite aussi, mais c'est pas grave, ça fait longtemps. Hop, on verra bien. Et ça fera plaisir au roux, il aura peut-être la réponse plus facilement comme ça. Qu'a demandé Robert Pattinson à sa collègue et compagne Christine Stewart? Bah parfait, personne s'en souvient. Tant mieux. Qui sont ces jeunes gens, Michael? Qu'a demandé Robert Pattinson à sa collègue et compagne Christine Stewart? Robert Pattinson, c'est un acteur. D'accord. Et Christine Stewart, il la baisse. Allez, au hasard. Mais dis donc. Dans un avion. Johan. Ah bah, Johan, très bien. Johan, deux fois. Ça tombe bien, il a donné son prénom. Tu disais, Johan? Oui, il aurait demandé plusieurs fois Christine Stewart en mariage. En mariage? Oui. C'est une bonne réponse. Voilà, ça y est, c'est fait. C'est bien, Johan. Bonne réponse, bravo. Victoire sur le fil. On était mal parti, c'est bien. Ah ouais, là vous étiez mal barré, hein, ça je confirme. Mais il n'y a que Johan qui a joué. Hein. Et il n'y a que Johan qui a joué. Ça sert à rien. C'est vrai. Bon bah écoute, c'est pas grave. Hein. Jonathan, tu repars chez toi, mais les mains vides alors. Hein. Ouais, c'est dommage. Bon écoute, c'est pas très grave. Tu retournes ta chasse quand tu veux, Jonathan, d'accord? Ouais. Salut à toi, ciao Jonathan. Et tout le monde. Et puis Johan, Jack la prochaine fois. Et puis bonne chance à toi, Johan, d'accord? Bonne chance à toi. Tu retournes au standard. Oui, bah donc bonne chance à toi. C'est ce que je voulais dire, hein, c'est un petit peu pareil. Salut Johan. Bonne chance à lui, non? Salut, salut, bye. Ciao. Bon Nico, passez passez un bon week-end. Hein. Oui, merci vous aussi. Vous avez prévu un truc ce week-end ou pas? Oui, bah je vais aller. Je vais aller en Corse. Il va y aller. Ah, très bien. Vous avez pas prévu d'aller en Islande pour voir un peu le volcan, tout ça, de vrai, en vrai? Bah comme je disais l'autre fois, le volcan, je l'ai à l'Elysée. Hein. Oh bah, non, bien sûr, mais bon après, en allant en Islande, vous verrez en fait le coupable de tout cet argent que vous allez perdre, parce que vous allez devoir rembourser Air France, tout ça quoi. Oui, non, mais c'est toujours un plaisir de prendre l'avion et de pouvoir explorer des choses que les pauvres comme vous ne peuvent pas faire. On avait compris, Nico. Merci. Nico, au revoir. Allez, merci, bisous, salut. Oui, c'est ça. Allez, bisous, salut. Très bien. Donc, si vous voulez participer au Sarco Game, hein, on remet le couvert, bien sûr, lundi à partir de 21h. 612, débutez votre message par énergie, puis vous mettez Sarco avec votre numéro de téléphone ou sur mikael.fr. Est-ce que, greffier, vous pouvez noter donc que le roux a été très désagréable et a fait je ne prends pas de décharge, je fais la grève de la décharge et que par conséquent il y a prochaine outrage à magistrat. La grève est autorisée en France. La prochaine. Oui mais on n'est pas en France ici, on est dans un studio avec une majorité de Belges. C'est pas vrai. Voilà, donc, et comme il n'y a pas de gouvernement en Belgique, c'est l'anarchie. C'est pas, il n'y a pas de majorité de Belges. Et donc dans l'anarchie, on fait ce qu'on veut. Voilà. Donc il prendra double décharge la prochaine fois. Bien sûr. Parfait, très bien. Il sera sur 8 à chaque décharge. T'auras une droite à chaque décharge, je te le dis direct. Et même si c'est Sandro qui met les décharges? Ah bah oui, rien à foutre, là je mettrai le coude. Quel enculé. Mickaël, le podcast. Et on va pouvoir passer maintenant, comme tous les vendredis soirs, à l'expression du jour avant l'arrivée de The Surgeries dans quelques minutes. En fait, c'est l'expression de la semaine. Ouais, Oui, c'est vrai en fait, puisqu'on en fait qu'une seule. Ouais, c'est l'expression de la semaine le vendredi. C'est parce qu'au début, on en faisait une tous les jours et on s'est vite. Ah ouais? Ouais. Ah bon? On a fait ça un moment? Putain, ouais, on est complètement dingue. Ouais. Ah ouais, on est complètement la ramasse. Ça a pas duré longtemps, je pense. Ouais, je crois que ça bat un jour. Deux jours. Ah ouais, deux alors, très bien. Bon, allez, expression. Bah, ça va être expression du jour, hein, sinon ça va être la merde et tout. Là, je vais mettre deux mois avant de m'y faire, puis c'est la fin de la saison, donc bon. Donc l'expression du jour, déjà que j'ai eu du mal avec l'expression du jour du jeudi à transférer au vendredi, du coup, j'ai arrêté les jours de la semaine. Plus facile. Expression du jour. C'est parti, l'expression du jour donc, qui est une expression qui va comme un gant à Sandro. Oh merde, ça veut dire que je vais devoir m'y coller ça. Ouais, et tu vas commencer. Et en plus, ouais, il y a des chances que tu commences, puisque l'expression du jour c'est avoir la langue bien pendue. Et je pense que tu es la seule et unique à pouvoir vraiment tester ça comme il se doit. Non, toi aussi, si je puis me permettre. Non, mais moi, c'est mon métier. Oui, mais bon. C'est normal parce que moi d'accord, je parle pas beaucoup. D'accord. Au final, quand on me connaît, tu vois, je suis plutôt comme vous le dites. En gros, comme vous le dites. En train de dire que je parle pour rien dire surtout moi. Non, c'est pas ça. Mais comme vous le dites, en général, je suis plutôt dans mon coin, aigreur, je parle à personne, donc j'ai pas vraiment la langue bien pendue. Si, si, oui. Enfin, faut bien te connaître, quoi. Quand on te connaît bien. Ouais. Après, ça dépend. Ça y va, quoi. Après, ça dépend. Ouais. Bon, et attention, avoir la langue bien pendue, c'est pas forcément raconter tout ce que tu vois. C'est juste parler. Blablabla. Et donc nous avons prévu une petite bouteille d'eau avec un peu d'eau, hein, pas complètement remplie, ouais. Avec une pince comment coupante. Pince à cheveux. Non, une pince. Ah, si, c'est coupant, pas à cheveux. Ça. C'est comment quand on va chez le coiffeur, tu vois, il met la pince pour tenir le truc. Ouais, enfin, là, j'en ai jamais vu des comme ça. C'est pour tenir un bloc de feuilles normalement, mais. Ah, c'est pour tenir un bloc de feuilles. C'est pour ça qu'il y a des lames en fait. Hein, tu feras attention. Et il y a un aimant en fait pour pouvoir l'accrocher ensuite sur. Ah, il y a un aimant. Très bien. Ah, c'est génial. Je t'ai jamais vu l'employer. Ah ouais. Mais moi non plus. On l'a ma vie. T'as pas de piercing, Sandro? Si. Au niveau de la langue. Non. D'accord. Oui, ton nombril. Non, comme il y a des aimants. Surtout, on s'en fout. Je dois mettre ça sur ma langue? Non, oui. Ton clitoris. Ah. C'est ça, là, avoir la langue bien pendue. Mais c'est nettoyé, attention, on vient nettoyer avec des produits, tout ça, y a pas de problème. Et tu veux en mettre, la confiance règne. Donc, la langue bien pendue, donc le concept c'est que t'arrives à soulever la bouteille avec ta langue. Voilà. Alors, non, parce que l'idée en fait c'est que ça, c'est qu'on vérifie une expression de la langue française et on voit si elle est vraie ou pas. Exactement. D'accord. Donc en fait, moi je propose que je propose que tu t'accroches la pince sur la langue et que nous on fasse glisser légèrement la bouteille sur la table et boum, elle tombe. T'es malade ou quoi? C'est violent. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, mais ça fait mal. Ça fait trop mal. Mais par contre, tu pourrais essayer. Non, mais ça me paraissait pas ouf. On le fera avec toi. Je vous emmerde. Si on le fait pas avec elle, on le fait pas avec moi. Ah oui, putain, c'est lourd quand même. C'est même pas un quart de bouteille. Il doit y avoir 15 centilitres. Il y a deux gobelets à café. Déjà, ça doit niquer la langue. Tu peux pas mettre sur la langue. Ça y est. Sérieux ? Ça fait mal ? Bien sûr. Regarde, fais-le juste sur ton doigt. Ouais, j'ai essayé. Sur le doigt. Sur le doigt, ça va. Mais la langue, c'est tout mou. T'en bats les couilles. C'est ça, c'est pas grave. Oh là là. Ah. Faut mettre bien au fond de la langue. Si tu mets juste sur le bord, c'est pas possible. Comment ça, t'es trop petite? Bah, je vais pas la lâcher. Mais c'est pas grave. Tu lâches la bouteille, la bouteille. Tu peux pas réfléchir quand t'as ça sur le bord. Sandro, Sandro, ce que tu dois faire, c'est mettre le attacher une grosse partie de ta langue, sinon ça fait plus mal, puisque s'il y a plus tu mets au bord, plus ça fait mal. Ah ouais, c'est normal. C'est une pince à linge. On a accroché un fil. Il y a une corde, il y a une qui tient une bouteille. Mais pourquoi tu sens? En fait, elle est en train de mettre la pince dans sa bouche au dessus. Mais oui, mais tire la langue. Mais non, moi j'ai pas de. Quoi? Mais ça suffit. C'est bon. Voilà, lâche. Elle va gerber. Lâche la bouteille. Elle est en train de s'abaisser. Ça lâche la bouteille. comme si ça allait faire moins mal. Je te jure, ça fait mal. Bah oui. Ah, et tous les mecs qui vont se branler en voyant la langue de Sandro. C'est comme quand tu roules en voiture et qu'il y a une barrière, bah tu baisses la tête. Ouais, même toi, si t'es dans toi, ta voiture. Ouais. Et tout le temps. Ou quand je jouais à la Nintendo, tu pars avec la manette. Oui, c'est vrai. Ouais, bon, ça, allez, pars avec la bouteille là. Allez, lâche. Lâche ta pince déjà avant la bouteille. Lâche tout. Lâche tout. Les mains en l'air. Attends. Ça fait trop mal. Mais non. Allez. Non mais vomis pas. Ne vomis pas. Lâche la bouteille. Lâche les deux mains en l'air. Ouais. Ben voilà. Ça y est, dis donc. Ah, c'est bon, je gère là. Allez, tu vas refaire maintenant. Ah, c'est bon, maintenant. Pourquoi tu vomis là? Mais parce que ça va trop loin. Non, c'est juste parce que ça pince, donc ça fait mal. Donc tu fais, c'est un réflexe quoi. D'accord. Ah d'accord. Oh là là. Oh, elle l'a lâché violemment. Ah, ça glisse. Là, elle gère. Donc, elle a la bouteille qui est attachée. Elle fait la maligne. Elle fait la maligne. Elle va à gauche, elle va à droite. J'ai plein de baffes dessus. Elle est à la cool. Bon, on va nettoyer. T'inquiète pas. Bon, parfait. En fait, ça va. C'est l'appréhension surtout. Bah oui, voilà, c'est ça. Bon, allez, hop, autour du roux maintenant. Attends. Oui, bon, on va la laver. Oui, bon, enfin bon. Tiens, froide avec toi. Oui, comme ça va encore. Comme ça va être bien propre après. Il y a de la bave. Bah oui, c'est ça, ouais. Bon, on y va, voilà, c'est nettoyé, on est au top. Ouais, je vais la faire tomber. C'est parfait. Ah, ça y est, t'es chaud, toi? Bah, comme il t'a vu en train de balancer la bouteille dans tous les sens. Je vais essayer déjà, normal. Non, parce qu'il faut s'habituer un peu, après ça va. Non, mais le roux, il a l'habitude d'avoir un truc en bouche. T'es un ouf, roux, si tu l'as fait tomber, t'es un ouf. Non, mais déjà, je vais... C'est quoi tout ça, là? Non, mais on a mis le produit. C'est le produit, là. C'est le produit pour nettoyer. Voilà, c'est un produit spécial justement pour enlever toutes les crasses. Ouais, mon cul, ouais, c'est rien du tout. Mais non, c'est un produit. C'est alcoolique. Bah oui. Allez, c'est bon, ça y est. Allez. Oh, t'as une sale langue, roux. T'es quoi? Je comprends rien. Je ne comprends rien. Non, je ne comprends rien. Demain, tu fais pas la vaisselle. Qu'est-ce qu'il a une tête de con. On dirait, tu sais, les Indiens d'Amérique, là. Qui s'allongent la bouche. Attends, mais Sandro, t'as vu ce qu'elle a fait? Roux. Ouais, mais non, mais... Ça défonce. Mais non, mais recommence parce que tu l'as fait à la cool. Coup. Putain, parce que là elle l'a fait petit à petit. Après, elle balançait la bouteille et tout avec la langue. Ouais, par contre, je la ferai pas tomber, en fait. Je t'avais dit que c'était... Roux, pour Paris. Pour l'année prochaine. C'est d'une violence. Imagine quand vous en tombez la bouteille, Paris devient champion de France l'année prochaine. Ouais, t'as avec des trucs de merde. Allez roux. Allez, fais tomber la bouteille. Je te paye un coca. Ah la vache. Je te paye un coca maintenant. Putain, mais ouais, mais j'aurais plus de goût. J'aurais plus de langue. Je sens l'argent là, direct. Allez, vas-y. Mais non, fais tomber la bouteille. Roux. Ah mais dommage, ça là. Oh là là, c'est horrible, j'avais cette tête là. Ouais. Voir pire. Mais il a une sale langue. Leroux, il a une sale langue. Ça me fait trop mal. On a fait plein de conneries, mais ça me fait vraiment mal. C'est le pire ça qu'on ait fait. Ouais, non. Mais en fait, je vais avoir une langue de merde, mais ça me fait mal. Et tu le sens après longtemps, moi je le sens encore là. Ah ouais. Bon, allez, autour de Toff maintenant pour voir. Ah, il faut lui mettre sur la bite. Ah oui, pourquoi pas, pas de réponse. Petit plan. Ouais, bah il répond pas. Chiche. Parce qu'il est... Oh. Vas-y, mais par contre, attends, fais avec la langue alors, Jack, et je ferai avec ma bite après. Non, fais d'abord avec ta bite toi et après il fait avec sa langue. Mais non. Ah bah oui, bah voilà, ouais. Ça c'est une bonne idée, ça. C'est pas... Oui, bah alors lui, Toff, il nettoie le truc avec juste un bout de papier. Bon, allez, en même temps, c'est la langue... Oui, c'est la langue du roux, oui. Je peux pas comprendre qu'il faille nettoyer. Bon. Ouais, non, ça va. Hein. Allez, hop, nettoyage, c'est parti. Toi, tu vas la mettre à ta bite, alors? Ouais, bon. Non, mais on n'a pas le temps. Alors, il faut choisir la bite ou la langue de Jack. La bite, la bite. Bon, allez, la bite. À votre main levée, la bite. La langue de Jack, la bite, la bite. La langue de Jack d'abord. Mais on n'aura pas le temps. Mais non, il y a le surgery et tout ça. Je suis déçu là. Voilà, hop. Il l'a attaché, il l'a fait tomber, il l'a prise, il crie pas, il a pas mal. Le mec, il a pas mal. C'est ouf. Allez. Il met le vide sur ta bite. Bah allez, vite, sur ta bite. Allez, sur ta bite. Et le roux, ça l'excite. Hein. Gaffe. Non, mais... Eh mais attends, il faut que ce soit roux qui l'attache. Ouais, eh, faut que je vois la bouteille, faut que je vois la bouteille entre tes jambes de dos. Quoi? Attends, je vérifie. T'as remarqué? Attends. Vous avez remarqué que c'est toujours le roux qui va vérifier ce genre de détails? Il est malade. Il est malade. Il va souffrir. Ah mais t'arriveras jamais à lâcher. Les deux mains en l'air. Oh là là. Attends. Il est dingue. Voilà. Quelle horreur. Ah, il est malade ce mec. Sur ma bite. Quelle horreur. Mais il est malade celui-ci. Un problème. Vu que je la tiens bien plus longtemps sur ma bite que toi sur ta langue. Oui, ça fait moins mal à mon avis. Allez, non, ça fait super Eh ben, mal. Fais-le sur le gland. Mais c'est sur le gland. Non, c'est sur le prépuce. Mais non, c'est sur le gland, c'est sur le bout du gland. Roux, va aller chercher avec la bouche. Il fait des chichis pour moins que ça et à chaque fois que c'est des trucs de fou et c'est. Bah oui, c'est ça, je comprends pas. Non, si je peux plus. Vas-y, vire ça maintenant. Roux. Tu la remets sur ta langue et je te paye à bouffer pendant un... Ça fait mal. Putain, c'est dommage, t'es pas ouvert. Là, j'ai l'impression que j'ai mon gland qui est en deux parties. Tu m'étonnes. Bah oui, forcément. En même temps, il faut être con pour mettre ça sur sa bite. Hein. Jette. C'est dingue quand même. Oui, bah oui, il faut tout jeter là. Mais non, je crois qu'avec même avec le voyage, ça sert à rien. Du coup, je me demande s'il est pas habitué à ça. Bien sûr, je fais des trucs du sado-masochisme. Ouais, c'est possible aussi, c'est ça, bizarre. Effectivement. Allez, l'expression du jour qui est donc terminée. Rencard avec l'expression du jour la semaine prochaine. Si vous en avez des sympas à nous proposer, d'ailleurs, des expressions, 612, débutez votre message par énergie ou sur le groupe Facebook mikl.fr. Mikl, le podcast. Et on reçoit ce soir un petit groupe maintenant de Surgeries. Je dis petit, mais c'est pas méchant, évidemment. Simon, Romain, Samuel et Sabine qui sont là de Surgeries. Groupe français, donc, qui chante en anglais, un peu comme le groupe qu'on avait reçu à l'époque qui venait de Vesoul, Matière, voilà, comme ça si vous voulez aller rejeter un oeil sur mikl.fr, vous pourrez voir donc leur la chanson qu'ils avaient faite en live. Comment ça va tout le monde? Ça va. Par contre, je m'appelle pas Simon, je m'appelle Pierre. Pierre, très bien. Et ouais. Ah, bravo. Oui, une faute. Ah bah voilà, ça commence bien, putain, je démarre, t'as vu un peu? Allez, je corrige, hop là, voilà, c'est bien de Surgeries. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Non, à un moment, je me suis dit, merde, je me suis trompé de studio, dis donc. Donc, ils sont là pour la sortie de leur EP, donc c'est Dream Sellers. Exactement. C'est bien ça, jusque là, tout va bien? Ouais. Ok, on est au top, parfait. Bon, vous venez d'où concrètement? Alors, on va faire les présentations directement, puisque vous n'êtes pas très connu pour l'instant. Quel endroit, quelle ville? Alors, on vient de Tours. D'accord. Indre-et-Loire, pour ceux qui ne savent pas. Ouais. 37, ouais. Voilà, c'est ça, ouais. 37. Ok, très bien. Et donc, du coup, combien de temps vous avez mis pour venir jusqu'à la radio? Deux heures. Ouais. Oh, ça va, deux heures. Il y a le train quand même. Hein. Mais vous êtes venu avec. On est venu avec une calèche en fait. On est venu avec une voiture et une calèche derrière pour le matériel. C'est fort. Non, mais vous êtes pas venu en voiture avec tout le bordel là, tout le matos. Si, mais on a une calèche derrière, c'est exactement ça. D'accord, ouais. Okay, voilà, on a une grosse remorque. Ah, donc il fallait pas trop rouler trop vite, quoi, concrètement. Si. D'accord, ok. Bon, donc pour ceux qui connaissent pas le Surgery, c'était avec un morceau que je pensais être nouveau. C'est-à-dire Beautiful Day, en fait, que je les ai connus il y a quelques semaines. C'est un auditeur qui m'avait envoyé par mail le morceau, persuadé encore une fois, comme le groupe qu'on avait reçu la fois passée, que c'était du son US. Mais en fait, non. Oh, c'est flatteur. C'est du son. Bah ouais, mais bon, comme quoi, finalement, le son est bon. Donc pour ceux qui connaissent pas, tu l'as, Jack, l'extrait, comme ça. Hein. Hop là, voilà. Non, j'ai le morceau. Ah bah oui, bah très bien, voilà. Parfait, mais écoute, c'est encore mieux comme ça. Voilà, donc ça, c'était le morceau que je vous avais passé il y a quelques semaines, donc. Au moment où ça chante, hein. Voilà, je vous l'avais passé donc il y a quelques semaines. Il y avait eu pas mal de retours. En tout cas, c'est bien pour un groupe français. Ça ressemble pas à Superbus et ça, c'est beau. Ah, merci. Ah non, vraiment. Alors, ah putain. Merci. Bon, la question qui va sûrement vous faire chier, mais bon, ça peut probablement intéresser les auditeurs. De Surgeries. Pourquoi? Il y a une raison de Surgeries. Qui a trouvé le nom? Qu'est-ce que ça veut dire? On va déjà se contenter de la traduction. Ah oui, alors il y a une traduction, alors très bien. Ouais, en fait ça veut dire les opérations chirurgicales. Comme ça c'est très glauque. Tu dois te dire, c'est un groupe qui va jouer du gros hardcore et tout. Non, pas du tout. Et sinon, pour l'histoire, en fait, il n'y en a pas vraiment de petite histoire autour de ce nom de groupe. Mais qui a trouvé le nom? Je sais pas, c'est venu un petit peu... Ouais, c'est moi. Bon bah c'est moi. D'accord, okay. Ah, comme ça. Okay. Ça sonnait bien quoi. Ouais, ouais, ça sonnait bien, c'était un mot qui ressortait dans les chansons qu'on écoutait, Surgery, qui avait beaucoup dans... On écoutait du Taking Back Sunday, ouais. Pas mal de trucs US justement. On regardait beaucoup Urgence. On regarde beaucoup Urgence, exactement. D'accord, très bien. Bon, donc ça vient de là, donc tout le monde a validé de Surgery. Ça existe depuis combien de temps le groupe? Moi ça fait 3 ans. 3 ans? Ouais, un peu plus maintenant. 4 ans. 4 ans, oui, oui, ça va pas très bien. Enfin, le principal, c'est de démarrer aujourd'hui, quoi. De monter, en tout cas, je vous le souhaite. Bon, comme c'est la première fois qu'on vous reçoit, on va faire l'interview première fois. Ça va nous permettre de mieux vous connaître, je pense, en tout cas. Donc, est-ce que vous vous souvenez de votre premier disque acheté? On répond tous on... Ouais, ouais, bien sûr, si vous voulez, bien sûr. Mon premier disque acheté? Ouais. Putain, je suis sûr que c'est un single des To Be Free. Ouais, bah quelle horreur, quoi. Mais, non, non, mais c'est logique. C'est pas vrai, quoi. Il faut bien commencer par quelque chose. Non, ouais, c'est pas logique. Vous pouvez sortir. Il y a pas que Patrick Bruel. C'était Patrick Bruel. Ah, ouais. Et toi, c'était quoi? Claude François. Oh là là là. Et toi, c'était quoi? C'est ah, quand même. Heureusement, quelqu'un qui relève un peu le niveau, là. Romain, il est beaucoup plus vieux que nous. Claude François. Ah, Claude François, c'est dur. Claude François, c'est dur. Romain a 45 ans. Parle bien dans le micro, sinon on t'entend mal, tu dis. C'est ma mère qui m'avait acheté ça, c'est un cadeau. Même c'est pas une excuse, hein. Bon, essayez, c'est pas une excuse. T'as pas honte alors de jouer dans ce groupe avec tous ces gens qui vont acheter des trucs? J'ai pas trop le choix pour l'instant. Ah, ouais, donc tu partiras dès que possible, quoi. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier amour? Oui. Oh oui. Ouais. Oui. Oui. La réponse étant bien évidemment de rentrer un peu dans le détail, évidemment. Amourette. Oui, oui, premier amour, première amourette. Oui, bah, collège. Maternelle. Ah, maternelle, précoce, alors, ouais. Dis donc. Ah, Sabine, ouais, on n'a pas perdu de temps, alors. Sabine a eu des rapports sexuels très, très tôt. Ah, ouais. Qu'elle a déjà dans le bac à sable. 3 ans, 4 ans. Ah, 3 ans. Ouais. Ouais. Ouais. C'est... T'as vu, on l'a trouvé mieux que toi. Ouais, hein, ouais. Ah, bah, 3 ans, elle faisait disparaître le biberon. Hein. Ah, oh. Oh, c'est dégueulasse. Alors. Bon, est-ce que vous vous souvenez de votre première cuite? Ouais. C'était quand? Dans le bac à sable. 3 ans. 3 ans, bac à sable. Non. 3 ans. Je sais pas. 15-16 ans. Ouais, 15-16. Ouais, 15 ans. 15-16, d'accord, ok. Si vous vous souvenez de votre première baston? Ouais. Ah, ouais. On va demander à Sabine, tiens. Ouais, ouais. Ah, moi, donc elle a démarré tôt. J'ai battu avec un garçon, effectivement. Avec un mec? Ouais. Et alors? Qui a gagné? Tu l'as défoncé, j'espère. Ouais, j'ai défoncé. Il avait 2 ans, elle avait 16. Donc ça aidait pas le mal. Le principe, hein. C'est de le défoncer. Mais on peut savoir pourquoi elle s'embrouille? Oui, oui, pourquoi? Je sais pas, il y a une histoire qui voulait sortir avec moi, j'ai pas voulu. Il a piqué ton goûter. Violent, tu veux sortir avec moi? Boum. Grosse voilà, patate. C'est un peu comme ça à l'époque. Ah ouais, allez donc, rockeuse alors, hein, on est d'accord. Hein. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier concert que vous avez vu? Ouais. Pas ouais. To Be Free. Non, c'était pire. C'était le deuxième celui-là. Qui c'est d'entre nous qui avait vu Dorothée en concert? Oh, non, quand je disais que c'était pire. C'est Mickaël. C'est notre ingé qui a vu Dorothée en concert. Ah, il s'appelle Mickaël aussi. Ouais. La honte. Oh la honte. Oh la honte. Bon, c'était quoi toi? C'était dans notre salle blésoise, le Château d'Eau. C'était un concert rock, un festival. D'accord. Voilà. Moi, c'était Scorpion au Portugal. Scorpion, ah ouais, d'accord, ok, donc très Itiz alors. Oui, il est à fond dedans, lui. Très bien. Moi, je crois que c'était Indochine. Indochine, ok. Et moi, c'était Jean-Michel Jarre. Oh là, l'autre, il est parti, mais c'est exceptionnel quand même. Hein, moi aussi, moi aussi, j'avoue, mon premier concert. Romain, prends ta tisane. Oh là là, c'est violent quand même. Ah oui, tu veux un petit thé? Non, tu nous dis sinon, hein, bon. Votre premier voyage? Voyage loin? Non, c'est Angleterre. Bah, voyage, ouais, c'est Angleterre au collège, quoi. Angleterre? Ouais, voyage linguistique. D'accord. Alors ouais, classe de neige. Classe de neige, d'accord. Espagne, moi, je crois. Espagne. Moi pareil, classe de neige. Ah, classe de neige, dis-moi pareil, mais après, alors tu me dirais Espagne, très bien. Bon, est-ce que vous vous souvenez de la première chanson que vous avez écrite? Enfin, après, je sais pas qui, si tout le monde... Non, c'était même avant Oli, c'est une chanson qui s'appelait Icheuse, la première. Ah, ouais. Bon, c'était pas la première qu'on ait écrite. D'accord. The first song ever. Mm-hmm. Non mais si, ouais. C'est la première que vous avez écrite en tant que groupe, quoi. Ouais, voilà, c'est la première qu'on a écrite en tant que groupe. D'accord. Ça parlait de quoi? Ouh. Je crois que c'était encore un truc super glauque. Je crois que ça parlait de quelqu'un qui est en train de mourir sur un lit d'hôpital. Non, franchement, c'était un peu glauque le texte et il a pas fait long feu, et heureusement. Alors, entre le chirurgien et le mec qui charcute tout le monde. Au milieu, tu mets Claude François. Est-ce que vous savez votre premier joint? Oh, ça fait longtemps. On s'en souvient ou c'est déjà ça? Y en a pas un qui a dit j'ai jamais fumé. Ouais, direct, c'est arrivé ça. Donc 1er juin. Ouais, pareil, même cuite. 15 ans, 16 ans. Ah, 15, 16, ouais. D'accord. Sabine, 3 ans. Hein. 3 ans et demi. Ah, quand même, donc on a quand même attendu un peu quand même pour rejoindre. On l'a attendu 6 mois de plus quand même, très bien. Bah, au lycée, je crois. Lycée, d'accord. D'accord, et toi on écoute quand ici. On écoute. Bon, est-ce que vous attends, Roux n'a pas répondu. Hein. Ah merde, ouais. Oui, c'est vrai, putain, j'ai oublié. Écoute, hein, moi je pense. Mais il est né dedans, lui, hein, comme Obélix, c'est dans la potion. Je pense faire ça d'ici quelques années. 3 ans aussi, t'avais le même dealer que Sabine. Voilà, c'est ça, ils étaient ensemble. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de votre première expérience sexuelle? Ouais, merde. Ah, alors un drame, donc alors combien, comment ça s'est passé? Bah, mal donc. Ouais, non, bah non. Non, rien à raconter. Pourquoi de spécial. Oui, c'est ça, vous avez des trucs en commun. En tout cas, Sabine a des choses à raconter. Chronomètrement parlant. Non, mais disons. Ah, c'était ensemble peut-être. Non, pas du tout. Non, mais qui a vécu un drame à la première? Ah déjà. Très bien. Donc 2 sur 4, c'est pas mal quand même. 50% en drame. Alors, c'était quoi ton drame, toi? Bah, c'était nul, c'est tout. Ah, d'accord. Mais quoi? Parce que t'étais mauvais. Parce que t'as été rapide ou parce que la meuf était mauvaise? Ah, les questions. Non, mais vas-y, après, t'inquiète pas. Et non, pas de... parce que c'était nul, tout simplement. Je sais pas quoi. Je peux raconter de plus. Donc, il a été rapide. Ouais, voilà. Très bien. J'ai tout fait à côté. Ah, très bien. C'est parfait. Oh, ça peut être bien parfois. Ouais. C'est pas un signe. Non, que mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a des meufs, elles peuvent, ça peut plaire aussi. Hein. Alors, toi, c'était un drame aussi? Bah, en fait, il y avait plus rien dans le pantalon au moment d'y aller. Ah, ça, ouais, ça c'est malheureux. Ça arrive même au meilleur. Hein. Merde, j'aurais été balèze et tout. Putain. Bah non. Bon, alors Sabine, c'est là qu'elle a mis la patate au mec, donc c'est ça? Non. Ah non. Donc, ah non, toi, c'était bien passé, toi. Oui. Très bien, parfait. Moi aussi, c'est bien passé. J'assure. En fait, il faut savoir que c'est le meilleur coup du groupe. Hein. Ouais, avec Claude François derrière, le truc qui déchire, tu vois. Le salut, truc, vachement bien. J'avais un marteau. Et alors, est-ce que vous vous souvenez, la dernière question, du premier concert que vous avez fait? Ouais. Ensemble, évidemment. Ouais. C'était où? Comment ça s'est passé? Fondette. Ouais, c'est un petit bled à côté de chez nous, on avait fait un tremplin en fait. D'accord, et il y avait du monde, ça a bien réagi. Il y avait plein de monde et on avait gagné le tremplin, donc ouais. Ah oui, fort, ouais, très bien. Ça a lancé, ça fait le déclic. Quoi. D'accord, et c'était quand ça? Oh, 2003. Non, j'aurais connu. 2006, ouais. D'accord, ok, très bien. Bon, alors on va parler de surgeries au cœur dans un instant plus... En profondeur. Plus en profondeur, on va dire ça comme ça en tout c'est cas. C'est pour Sabine que tu dis ça? Et non, pas du tout. Tu peux le clasher. Oh là là. Tiens, je te donne un truc à lancer si tu veux. Non mais tu peux lui mettre une patate hein. Non, ça va aller. C'est pour ça que je me suis mis loin quand même. C'est ça, ouais. Bon, avant qu'on continue, premier live. Oui. Lequel? Eh ben on va se jouer Somebody's Calling Me Love. Très bien. Vas-y roule. Qui est un extrait d'une nouvelle EP. Somebody's Calling Me Love. Très bien, parfait, impeccable. Bon, faites le live maintenant, on reposera des questions bien évidemment juste derrière. Somebody calling me love. Yeah, the surgeries maintenant en live et en full live comme aime bien entendre Polo du Polo Show. Le full live maintenant, c'est parti. Tales begin with a prince. There's no price for loving you. There's no price for it. It's a question of confidence. Some violence, but if I try to reach you, I'm gonna break the silence. Forget the worst when I see you. Rise up the sun, turn on the light. Show me to it. Yeah. l'instant, Somebody's Calling Me Love. Premier extrait, enfin premier première plage. Ouais, EP, voilà, c'est première ça. Plage de notre nouvel EP. Exactement, Dream Sellers. Bon, vous retrouverez bien évidemment le live et les lives sur mikael.fr puisque j'avais demandé à ce qu'on fasse le vieux morceau, donc que je pensais était le nouveau, mais bon, c'est pas très grave. Donc Beautiful Day. Ouais, composé en 73 au Guatemala. Ouais. C'est ça. Vous aviez moins 7 ans. Voilà, c'était. Non, mais c'est beau. Hein. Bon, qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous avez décidé de créer un groupe? Vous vous connaissez depuis, vous êtes tout petit ou comment ça s'est passé? Oh non, en fait non. Moi, Sabine et moi, on se connaît d'avant le groupe. On a bien compris ça. 3 ans dans un bac à sable. D'accord, non, on se connaît depuis le lycée avec Sabine, on était dans le même lycée en fait. Et on jouait déjà ensemble dans un petit groupe de lycée. Ok. Et puis voilà, et puis après les gars. Sinon on a fréquenté le même collège avec Samuel. Ah bah voilà, d'accord. C'est vrai qu'on oublie. Mais on se connaissait pas à l'époque. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. C'était la guerre entre tout le monde. Bon, et donc après vous êtes vus, vous êtes dit tiens, on va monter un groupe. Non, même pas. Ouais, pas ça. En fait. Romain, en fait j'avais déposé. À la con une annonce sur internet pour rechercher un batteur et Romain a répondu. Ouais. Déjà ça situe très bien le mec sachant qu'il est clavier. Ouais mais il s'est dit avec une boîte à rythme ça fera pareil. Et d'accord, il a répondu, ouais. Donc en fait Romain on l'a trouvé sur petite annonce, bizarrement, et ça a marché. Hein, voilà. Ah putain, c'est pas mal. Et bah du coup Romain connaissait de bouche à oreille Samuel qui cherchait un groupe aussi, puisqu'ils habitaient dans le même bled au début, et puis voilà quoi, du coup on a commencé à jouer ensemble comme ça. Autour d'un style très peu défini du coup, puisqu'on jouait tous avec des influences différentes et tout. C'était un peu le bordel au début. Hein. D'accord, oui, bah oui, bah, s'il y en a un qui était fan de To Be Free, de Claude François, un Lochil, heureusement il y avait ICDC au milieu. Heureusement ça sortait un peu, ça sauvait un peu. Tu vas voir le concert d'ICDC d'ailleurs Le 18 juin. Le 18 juin, Stade de France. Très bien, bon bah si t'as tes places, tant mieux. Il est génial. Tant mieux pour toi, bravo. Ouais, personne qui veut enfiler, donc tant pis. Bon, vous sortez donc un EP, donc Dream Sellers. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un EP, Leroux va nous expliquer. C'est 5 titres. 6. C'est 6. Bon, en gros, c'est... Ça passe moins d'une demi-heure, je crois. Voilà, ouais, c'est que, ça. C'est-à-dire que c'est moins qu'un album, mais c'est plus qu'un single. La moitié. La moitié. Exactement. Un maxi, quoi, en gros, tout simplement. Donc, dans Dream Sellers aussi, on a eu l'occasion d'écouter tout à l'heure, on a l'impression que l'idée, c'est le rêve et l'enfance avec des titres comme Luke Skywalker ou encore Peter Pan ou même Kids Like Cars. Vous regrettez votre enfance ou... Ah non, mais c'est pas mal situé. Hein. C'est le premier qui arrive à bien cerner pour une fois les thèmes. Non, bah, écoute. Bravo, bravo. Je te remercie. Non, c'est, Polo. C'est pas lui directement. Non, c'est pas moi directement, même si j'ai écouté l'album quand même. Non, mais bien sûr. Il y a des casques professionnels qui travaillent jour et nuit pour ça. Attention, les interviews, mais il faut le dire, les interviews viennent de Polo. C'est non, ça. Mais il faut dire ce qui est. Il faut remettre à César ce qui appartient à Polo. Oui, les gens sont étonnés par SMS. Oui, c'est vrai. Donc, alors, du coup, regret d'enfance ou c'est arrivé comme ça? Parce que pour la peine, on n'a pas l'impression que ce soit gore là pour le coup. Là, non. Kids Like Cars, enfin, sauf si, enfin bon. Non, mais c'est exactement ça, à part Romain qui a 45 ans, sinon on sort tout juste de l'adolescence nous finalement. Hein. Mm-hmm. On a 20 balais et puis les textes ont été sortis comme ça sur le papier, tu vois. Ça fait bizarre de parler sérieux alors qu'on déconne depuis tout à l'heure. Non, il faut, tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'il y a quelques petites questions sérieuses et hop. Donc, et après on dérive. On est dans la minute sérieuse. Alors vas-y. Bah en fait les textes, ouais, ça parle de d'un petit peu d'une adolescence, comment dire, regrettée ou... Le pas à faire dans la vie adulte qui est dur, enfin qui est chiant et qui implique beaucoup de responsabilités, où on trouvait ça beaucoup plus facile d'être ado finalement et puis voilà, c'est ça en fait. Je sais pas, aidez-moi. Bien répondu. Hein. Non mais je pense que c'est bien répondu. Si, ça fait chier tout le monde quand t'es ado, oui. De passer à l'âge adulte. Ouais, c'est ça. Payer des factures, et voilà, c'est chiant quoi. Bah ça dépend parce que après le fait de passer d'ado à l'âge adulte, c'est que t'as des avantages aussi. Tu peux rouler en voiture, ouais. Tu peux rentrer dans un endroit où tu pouvais pas rentrer avant. Non mais oui, mais il y en a qui attendent que ça. Le roux évidemment, il est focalisé sur l'argent. Donc lui, dès qu'il a vu 18, il a vu moins sur son compte, il s'est dit oh putain. Bah non, plus, parce que je vais bosser. Mais ça y est, oui, mais enfin bon, tu dois payer des trucs, quoi. Ah ouais. Oh là là, les impôts. Et encore, ça va, ils font les fleurs. Ah vas-y, qu'est-ce que c'est. Ah, le roux a reçu sa feuille, donc. Oui, il a reçu la feuille. Bon, un drame, c'est pas très grave. Et une coïncidence avec Peter Pan et ton t-shirt Michael Jackson ou pas du tout? Ah, pas du tout, mais ouais, vas-y, on fait le rapprochement. Est-ce qu'il y a justement un rapprochement avec Kids Like Cars? Avec le t-shirt, ouais. Pour Michael, ouais. Non. Bravo. C'est une question au niveau de l'album musical. Ouais. Je parle de Sorge Riz, Michael Jackson, enfin voilà. Vous avez des enfants, hein, une ouais, éducation donc, catholique aussi pendant qu'on y est, on y va. Oui, on a eu des problèmes. Très bien, bah, démerdez-vous, vous irez voir quelqu'un d'autre hein, pour vos problèmes. Est-ce qu'il y a des dates de concert qui sont prévues bientôt? Où ça? Comment ça se passe? Ouais, alors pour l'instant c'est plutôt calme, on va dire, puisque l'EP sort tranquillement, les dates vont se mettre en place. au fur et à mesure de l'année. On en a quelques-unes qui vont tomber. Bon, c'est essentiellement sur notre région. C'était sur des festivals autour de la fête de la musique, tout ça. On bouge un peu à côté de Toulouse aussi. Ouais, voilà, pas mal de showcase pour présenter l'album. Et puis voilà. D'accord, ok. Ça viendra tranquillement. Et au niveau de l'album, dates, justement. Il y a le 8 mai, mais sinon c'est tout le long du mois de mai et du mois de juin. Il faudra aller voir sur le MySpace. Il y a des showcases un petit peu partout en France pour présenter l'EP. D'accord, voilà. Très bien. Et alors l'autre question aussi pour ceux qui veulent choper l'EP, est-ce qu'il sera disponible dans les magasins, ou alors que sur iTunes et etc. Il sera et disponible sur iTunes, etc. Et dans les Fnac, si tout va bien. Si tout va bien. Alors, en fait, disons que il sera disponible chez nous à la Fnac de Tours, ça c'est sûr. Et normalement, les Fnac sont chargés de redistribuer. D'accord. Les CD. Bon, très bien. Mickaël, le podcast. Au niveau des oreilles, on a perdu quelques... quelques décibels. Ce qui est emmerdant, c'est qu'après, ça va être comme avec Madinale quand il était venu chanter aussi en full live, c'est le sifflement. dans les oreilles. Ouais, dans les oreilles. C'est assez perturbant, mais bon. Tiens, Roux, ouais. Toi qui es toujours en général à faire des duos avec les artistes, la batterie, ça t'intéresse pas? Essayer de faire de la batterie, non? Écoute, j'ai un ami, son père était batteur. Oui, génial. Et, attends, laisse-moi finir. Je suis allé chez lui pendant 5 ans. Ouais. Et tous les jours j'essayais et tous les jours il c'était m'a horrible. Pitoyable. Donc d'accord. Ça sert vraiment attends, à rien. Déjà avant qu'il commence, est-ce que tu as mis du déo aujourd'hui? Non. Alors on va laisser tomber la batterie. Non, bah, alors fais pas là, bah, directeur, il vaut mieux éviter la batterie. Ça sent? Non. Non, pas du tout. Ah d'accord, ouais, c'est vrai que ça. Ah oui, oui, ah, bah on transpire. Lève pas les bras. Ah ça transpire, hein. Ah bah ça je te confirme, ça c'est clair. Bon, on va vérifier que vous méritez justement d'être en interview dans l'émission en faisant l'interview les rockstars dans l'émission. Alors le principe est simple, on vous pose des questions avec de vraies anecdotes qui sont arrivées dans l'émission. Donc on attend une réponse évidemment franche et sincère. J'ai rien compris. Exceptionnel, bah, Sarou. Enfin, je recommence. Vas-y. Donc. On a reçu des gens, on a reçu des rockers, beaucoup de rockers dans l'émission. Et donc on va leur poser des questions en rapport avec des anecdotes qu'on a vécues d'accord. avec ces rockers. Ah d'accord. Et on doit dire quel mec a dit quoi? Ah non, pas du tout, vous nous dites simplement si j'avais rien compris. Si alors est-ce que bon, c'est moi qui suis un surhomme? Non, je pensais que tu leur enfin que c'était des fidèles de l'émission et que tu allais leur dire la semaine dernière on a fait ça ça, bon c'était qui? Ah non. C'est un jeu. Ah non, pas du tout. Non, on va vous poser des questions par rapport à ce qui s'est. Bon, démerdez-vous, hein, vous vous posez la première question. Et puis on verra bien. Alors, est-ce que comme. Donc et là vous nous dites oui, non, machin, ok? D'accord. Ok? Non, il a rien. Pose-la, pose-la. Pas grave. Je vais la poser. Est-ce que comme les Pony Pony Run Run qu'on a déjà reçu, donc vous picolez en tournée jusqu'à ne plus vous souvenir de ce que. Et en interview aussi. Ouais, et en interview aussi d'ailleurs, effectivement. Non. Ouais. Ils sont picolés pendant l'interview? On avait offert le dossier. Wow, enfin, c'était de l'eau, bien évidemment. Ah, mais on a de l'eau, nous, ici. Ouais. Voilà, c'est ça. Eux, pareil, ils avaient de l'eau. Non, mais eux, en tournée, ils avaient tellement picolé qu'on leur avait piqué leur matos. Ils avaient oublié. D'accord. Non, mais non, faut le dire, nous, ça nous arrive rarement de picoler comme des chiens parce qu'en fait, on. Pas être mal à on conduit en derrière ou. De... Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Lequel est le plus picole? On dirait que c'est Sabrina. Sabine. Sabine, pas Sabrina. Non. Pourquoi tout le monde regarde Samuel là d'un coup? Ouais, non, c'est Pipo. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Celui qui est derrière, tu sais que personne ne voit et qui picole, bah, c'est normal, non, on entend avec sa affaire. Avec modération. Hein. Avec modération, oui, bien sûr. Mais quand elle est pas avec nous, on fait ça. En fait, c'est elle qui vous surveille. Bon, alors, est-ce que comme Superbus, vous avez la grosse tête? Oh non. Non. Pitié. Oh, pourquoi tu dis ça? Parce que c'était. Alors je crois que sur. C'est pas vrai, on les a vus sur un festival. Ouais, ils sont très gentils. Bah, moi je les ai vus à ta place et je peux te dire que. C'est toi ça. C'est pas... ça doit être ça. Non mais franchement. Dépend... Je pense que ça dépend les jours, ils étaient fatigués là. Bon hein. Peut-être, mais effectivement, on a déjà reçu vraiment pas mal d'artistes. Et pour la peine, ceux qui avaient vraiment la grosse tête, et il n'y a pas de quoi non plus, c'était eux. Alors, c'était quand même assez exceptionnel. Ah mais je le dis, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Hein. Vous ne devez pas spécialement suivre. C'est vrai que si un jour elle vous propose de faire la première partie, c'est dommage qu'elle tombe sur le moment où vous allez dire ah bah ouais putain, c'était vraiment de la merde, hein, je te montre. Bon, est-ce que comme Placebo, vous préférez aller au resto plutôt que de venir faire une interview dans l'émission? Non. Non. Pas pour le moment. Non. On verra dans 10 ans. La preuve, vous êtes là. Donc au final, c'était bien. Non, parce que pour la petite anecdote, effectivement, je l'avais invité, il devait venir, tout était prêt. Et puis alors, finalement, en dernière seconde. Appeler cette interview une interview balance. Non, mais c'est tous les trucs que j'ai ou déjà interview dit. Interview vengeance. C'est tous les trucs que j'ai déjà dit. Donc pour la peine, c'est pas ça. Donc voilà. Et finalement, j'ai appris qu'il avait préféré aller bouffer au resto. Donc voilà. En tout cas, c'est bien. Chacun son truc. Brian Bolko a du respect pour ses fans, c'est cool. Tu vas poser une question Pete Doherty? Oui, ça arrive, ouais, ça arrive. Est-ce que comme le chanteur de Cobra Starship, vous avez un tatouage dont vous avez honte? Non. Bah c'est Samuel qui a fait deux, mais tu en as deux? C'est quoi? Un dragon et puis là c'est une caisse claire de batterie. Ah bah oui, forcément. Dans un tatouage tribal. Mais nous on en a honte. C'est les autres qui ont honte. Donc pour ceux qui n'étaient pas là lorsqu'on a fait l'interview des Cobra Starship, faut savoir que le chanteur donc Gabe a un tatouage, c'était sur le mollet. Sur sa cheville. Hein. Ouais, sur la cheville. C'est Pete Wentz des Fall Out Boy, donc ils sont potes, qui s'étaient fait des paris idiots. Donc il y en a un qui a un tatouage avec la tête du mec. D'accord. Et l'autre à l'inverse. D'accord. Nous et on les a vus les Cobra Starship, on y était au concert. Très bien. Bah, ouais. Ils ont failli ne pas y aller à cause de nous d'ailleurs. C'est vrai. Ils leur a fait faire des conneries, ils ont failli se casser une jambe. Enfin bref, c'était pas. C'était... La maison de disque aussi, hein, je te rassure. Oui, la maison de disque aussi. Ouais. Tu sais, la meuf de la maison de disque qui me dit oui, je vous tiendrai responsable. Bah oui, alors, je veux que ça me fasse. On sera responsable. C'est hein, pas on... nous qui allons aller chanter demain, hein, si tu veux. Bon, est-ce que comme Pete Doherty, avant de faire une interview, vous dormez sur la banquette du studio là? Ah, je pensais que t'allais dire autre chose. Non, mais il y en a deux. Ah. Donc, non, on n'a pas dormi. En fait, on est sage. Hein. Bah ouais, ouais, ça va. Ouais. Non, ouais. On est motivé. Bon, bah, attendez de prendre de l'âge. Est-ce que ça va être pire? Est-ce que comme Jared Leto, le 30 Seconds to Mars, vous allez, c'était la première fois où il est venu, vous allez partir en plein milieu du live énervé parce qu'on a applaudi trop tôt? C'est possible. C'est possible. On l'a pas applaudi là. Hein. Trop tôt, je parle. Hein. Non. Donc ça va, tout va bien. Est-ce que comme Jared de 30 Seconds to Mars, vous êtes amoureuse de moi? Tu l'as cette question-là? Il est amoureux de toi? Non, de toi, Mike. Non, non, bah non. Bon, est-ce que comme... Il y a un petit quelque chose. Oui, est-ce que comme Madina Lake, vous êtes prêt à manger un truc dégueulasse juste pour faire la promo de votre disque? Ouais, ah, c'est possible. Ah, très bien, je vais parfait. Bon, alors, on avait le matériel. Hein, on a... Ah, qu'est-ce que c'est, oui. Ah, c'est toi qui as dit oui, hein. Moi, j'ai pas dit oui, Pierre. Comment se faire niquer en interview? Voilà, alors, on a le matériel. C'est la même chose que pour Madina Lake? C'est non, on n'a pas trouvé le... Alors, pour Madina Lake, en fait, c'était... Des abats. C'était des abats, ouais. C'était cru, hein. Cru, bien sûr. Et il a bouffé, hein. Ouais. Il a bouffé, il l'a mis en bouche. Là, on a fait quelque chose de beaucoup plus soft. On est sucré, si possible. Des abats cuits. Non, c'est pas des abats cuits, mais Toff est vite parti chercher le matos dans le bureau. Il revient dans quelques secondes. Le temps de poser la dernière question. Est-ce que, donc, toujours Pete Doherty, est-ce que vous êtes venu dans l'émission sans prendre de douche? Qui n'a pas pris de douche matin? Ouais. Une, mais... Ah, bah voilà, ça c'est un rocker. Non, sinon vous êtes tous propres. Bah plus maintenant, après deux morceaux là, ça ouais, après ça les lives. Depuis 7h30, oui. Ouais, après les lives, effectivement, je peux est-ce je peux qu'on comprendre. Sait toujours pas à ça pour Pete Doherty, moi. Ah bon, tu penses à quoi? Je pensais le bon ride dans les toilettes. Ouais, mais on a aucune preuve. Ouais, c'est ça. Ouais. On a aucune preuve. Bon, il y a un moment, il s'est levé et il voulait aller aux toilettes, donc on lui explique où c'est, il revient et au moment où il revient, il s'installe, il fait bon, ça prouve rien. C'est louche, un mec qui se touche le nez, c'est louche. Bah non, moi ça m'arrive souvent, regarde, tu vois, Toff, il se touche souvent. Non, Toff, il a le doigt dans le pif, tant que c'est le nez, ça va. Ouais, oui, c'est vrai, effectivement. Bon, j'ai hâte que Toff revienne. T'as dit une connerie, hein. Enfin, du coup, c'est moi qui vais m'y coller, là. Ouais, ah bah, coller, écoute, c'est toi qui as dit oui. C'est-à-dire que, attends, on pourrait même réécouter le moment, d'ailleurs. Est-ce que tu serais prêt, est-ce que vous seriez prêt à manger n'importe quoi pour faire la promo? Bah oui. Je voudrais pas balancer, mais Sabine a dit si c'est sucré, d'accord. On a du sucre en poudre, il suffit d'en mettre. Ouais, c'est vrai. Vrai, ouais, c'est vrai. Mais ce sera beaucoup plus drôle avec Pierre. Oh, ça dépend. Non? Si, si, je sais pas ce qu'il a bouffé, moi. En bon. Tout cas, il a perdu son sourire. Ouais. Il arrive, mais c'est pas grave. Stressé. Et avant justement de goûter ça, on a une petite tradition dans l'émission. Si vous pouvez, enfin vous allez pouvoir le faire d'ailleurs, choisir un morceau, n'importe lequel, sauf de votre groupe, à diffuser ce soir. N'importe. N'importe. Bon, sous réserve que je le trouve sur iTunes minimum, évidemment, mais n'importe quoi. Et on a le droit de faire de la promo pour des potes? Si, bah oui, mais il va falloir que je le trouve sur iTunes, donc... Mais sinon, bon. Alors sinon, si tu le trouves sur iTunes, on voudrait un titre des Wonky Noodles. D'accord. Voilà. Bah, tu vas m'écrire ça. Et voilà. Si je le trouve pas sur iTunes, et quoi si, d'autre? Si tu le trouves pas sur iTunes, je sais pas. To be free, non? Ah non. Ça foutrait la merde. Ah, allez, Second Life de Vitalik. Second Life de Vitalik. Voilà. D'accord. Ouais. Et ça, je le trouve sur iTunes. Ouais, bah oui. Attends, mec, excuse-moi. Bon, très bien. Second Life, parfait. Ok, c'est bon. C'est dans la boîte. C'est du rock aussi? Vitalik. Non, c'est de l'électro. C'est de l'électro. C'est Vitalik. Ouais. C'est Vitalik. C'est le nom. D'accord, oui, non, mais je demandais si c'était du métal ou du... D'accord. Quel style c'était? Très bien, parfait. Bon, essayez de le trouver sur iTunes, de toute façon, ça devrait se passer relativement facilement. Bon, alors, on a le matos pour goûter, puisque Pierre a fait le malin. Hein, voilà, je pense. Hein. Donc, à la question, je répète, à la question, est-ce que, comme Madina Lake, vous êtes prêt à manger un truc dégueulasse juste pour faire la promo de votre disque? Pierre a répondu oui. Voilà, Pierre, ça bon va être courage. Voilà. Attends, fais-nous sentir. Pour ouais, fais-nous sentir. Bah, vous sentez pas d'ici déjà? Ah non, ça, non, pas là, non. Ça pue le vinaigre. Je pense qu'il y a de la rissa, du poivron. Je sais pas ce qu'il y a. Ah, ouais, je sais pas. Ouais, t'es dans les cordes de. Ouais, ouais, ouais. Je pensais ça. Bah, ça vite, veux goûter peut-être. Non, ça ira, merci. Ah, bon, sinon, vas-y. Hein, s'il y en a pour un, il y en a pour deux. Hein. C'est ouf. Hein. Vous avez pas de la salade avec? Et Sandro, ça lui pose pas de problème. Ça, hein, ça va, bah, le vinaigre, hein, me fait pas mal. Ouais. Je pense que de toute façon, le vinaigre va bouffer tout le goût du reste. Hey, je l'ai pas eu sous le nez juste avec le fait que le bocal tourne. Putain, j'ai eu des relents là. Je te garantis que le vinaigre, c'est le moins pire de la préparation. Il y a du pimenté de pizza. Ah ouais, il y a du pili-pili, exact. Très bien. Allez! On va, ça plus sec. Ça va aller. Non mais je bois pas tout, vous êtes malade. Oh bah, au moins une gorgée, une hein, bonne voilà. Gorgée. Voilà. La cuillère servait juste à mélanger. Oui, hein. C'est pour mélanger. Elle a fondu là. Voilà. Allez. Voilà. Ouais, je crois que c'est pas une bonne idée. Ouais, quand ça pique, il vaut mieux pas d'eau, hein, si je puis me. T'inquiète pas, y a pas genre d'urine et tout. Waouh. Allez, chaque membre du groupe s'y colle. Attention. Je m'engage la semaine prochaine à mettre un morceau chaque soir, si donc un morceau la semaine prochaine puisque Pierre l'a fait, un deuxième morceau, un troisième. Allez un les gars, c'est pas si dur que ça. Si les quatre membres du groupe boivent. En fait, franchement, je sais pas ce qu'il y a, mais ce qui reste en bouche, c'est le vinaigre et l'huile pimentée, donc c'est pas violent quoi. Parfait, de surgery jusqu'à mardi. Ça tombe bien moi parce que j'ai pas mangé ce midi en plus. De surgery. Attends. De surgery jusqu'à mercredi. Attends, bois pas. Et attention, je double la mise. Non. Mike, s'ils finissent tout. C'est pas ça, attends. C'est-à-dire que là on diffuse jusqu'à jeudi. Enfin, s'ils boivent, on diffusera jusqu'à jeudi. En vrai, il reste le vendredi, dommage. C'est malheureux, il reste un jour, tu vois. Donc effectivement, si quelqu'un se propose, on pourrait faire la semaine complète. Après, à vous toi de voir. Non, moi je le diffuse déjà. Non, donc, mais il y a votre ingé son, les mecs aussi. C'est vrai, qui fait partie du groupe aussi au final, même s'il chante pas. Hein, Michou, viens nous aider. Voilà, le Michael. Bon, alors, allez. Attends, on fait jeudi là. Allez, vas-y. Qu'est-ce attends. Qu'on est sadique. Grave. Ouais, c'est vrai que c'est. Il en a la moustache. Vas-y, donc. Il en a la moustache, c'est beau ça. Allez, Mich, c'est lui qui avait été voir Dorothée, hein. Tu vas finir le beau, hein, mec. Direct. Si je finis, c'est bon. Finis, c'est bon, ah bah bien sûr. Fais gaffe, c'est vachement pimenté. Michael, ouais. Tu vas vomir dans le train de la SNCF. Il y a des chiottes, hein, si tu veux, au cas où tu dois. Tu vas se choper une diarrhée, le mec. Grave. Il va chier. Vache, t'es un malade. Pas valé. Attends, parce qu'il l'a encore en bouche là. Pas valé, hein. Oh putain. Allez, ça y est. Ouais. Putain. Il a des sueurs là. Bon, et est-ce que comme. C'est là-bas les toilettes. C'est où les toilettes? Et la dernière question, est-ce que comme Michael d'énergie, vous n'avez pas de parole? Non, c'est une vanne, je le mettrai la semaine prochaine, vous inquiétez pas. J'ai eu deux secondes de réflexion, j'ai fait. Voilà, on mettra plusieurs extraits la semaine prochaine. C'est gentil. Tous les soirs, comme ça, voilà, vous avez tenu. Oh, mais il en reste un peu. Ouais, c'est bon, on va pas chipoter. Est-ce qu'on peut, du coup, on a tous goûté, on peut savoir ce qu'il y avait dedans? Donc il y avait du vin blanc. C'est le vin de il y a 3 jours qui est resté à la fenêtre. Ah putain, c'est ça les mouches. Il y avait quoi, Pina? C'était lundi le vin. Depuis lundi, il était à la fenêtre. Bon alors, il y avait du sel, il y avait de la moutarde, il y avait de du tabasco, de l'huile pimentée, de la harissa, de l'huile pimenté et de la sauce vinaigre et de la sauce pimentée japonaise avec un soupçon de crachat, bien sûr. Non, ça on fait pas quand même, n'abusons pas. On fait ça entre nous, mais pas quand on est des invités. Pas quand on est des invités, je vous rassure directement. Bon, merci à vous en tout cas d'être passé. On rappelle donc l'EP Dream Sellers sortira il sort quand d'ailleurs? Il est déjà sorti. 3 mai, déjà sorti. Ah bah oui, donc il est déjà sorti, effectivement. Bon bah il est déjà sorti, bonne chance pour la suite et puis bah vous revenez quand vous voulez. Bah c'est gentil, merci Michael. Des chiottes au fond du couloir. Merci beaucoup. N'hésitez pas, vous pouvez gerber chez, y a pas de problème. Tout est possible. Mickaël, le podcast. Et nous allons pouvoir passer maintenant au chéri, je t'ai fait cocu ou au GAV, hein. Sera-t-il bon ou pas? Là est la grande question, bien évidemment, comme tous les jours. Ça dépend de Micha. Comme tous les jours, bah, c'est un peu ça, effectivement. It depends of my chat. Premium ou pas? Ah là, c'est du full HD, comme je te l'ai déjà expliqué, ouais. 1080 premium. Full HD, ouais, c'est ça, t'as raison. Ouais. Bon, on va donc jouer maintenant avec Angéline, qui est là maintenant. Salut Angéline. Salut Mickaël. Comment ça va? Salut. En forme? Ça va. Bon, très bien. Alors Angéline, nous allons donc jouer au chéri, je t'ai fait cocu ou j'avais. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, ben, moi je vais dire que j'ai rencontré un mec à mon travail. Ah, donc chéri, je t'ai fait cocu. Très bien. Je lui pose la question. Non, pas sûr. Et je l'ai tué, peut-être ça veut dire je l'ai tué le mec. Ouais, vas-y, l'histoire c'est quoi? L'histoire c'est que j'ai rencontré un mec à mon travail et puis ça fait quelques temps qu'il me tournait autour et puis je vais lui dire que j'ai craqué et puis que j'ai couché avec. Quoi. D'accord, ok, très bien, parfait. Bon, et eh ben écoute, peut-être elle l'a violé. Oh, arrête un peu. Ah, non, donc ce sera un j'avais. Voilà, donc on fait un chéri, je t'ai fait cocu, c'est bon, c'est confirmé, parfait. Bon, parfait. Alors Angéline, donc on est censé s'être rencontré où? À Paris. À mon travail. D'accord, ok. Et donc Zaman Café. Et donc là, bien évidemment, tu es chez moi. Mais du coup, parce que là, t'es chez toi, t'es plus à Paris là. Oui, voilà. Charleville-Mézières, donc. Non. J'habite à Charleville-Mézières le week-end, mais la semaine, je suis à Paris. Ah bon, bah d'accord, ok, très bien. Alors parfait, donc tu es à Paris. Impeccable. Elle tenait pas plus que 2 jours à Charleville. Ouais. Voilà. Bon, Angéline, c'est bon, on y va. Donc tu m'as rencontré, c'est Michel. On s'est rencontré au boulot. Michel. Et tu fais quoi comme boulot encore? Excuse-moi, j'ai oublié. Je suis assistante de direction. D'accord, donc tu es mon assistante ou Ou pas, non, je sais pas. On va pas dire le chef, parce que là, il va se douter. D'accord, donc alors. C'est un employé, un prestataire. Un employé de bureau, à la limite, voilà. Voilà, voilà, très bien, parfait. Oh non, non, non, un technicien de surface. Comme ça, le mec, il va se vénérer. Tu sais, il va me dire, il va m'insulter par rapport au boulot, comme quoi, tu sais, je nettoie par terre. C'est bien, un technicien de surface est parfait. Et lui, fait quoi comme taf? D'accord. Lui, il est. Il travaille dans une usine, il est régleur. D'accord, ok. Régleur de quoi? De machine. D'accord, ok. Bon, on y va, c'est parti, on l'appelle. Oui, bon, écoute, ça dépend de la machine après. Hein. Comment il s'appelle, lui, d'ailleurs? Comment il s'appelle? Maxime. Ok, très bien. Allez, c'est parti, on y va, on l'appelle. Tu joues pour une PS3 ou pour un écran Full HD. D'accord. 42 pouces. Voilà. Ok. Ok. Allez, d'accord. C'est parti. Au plus, il s'énerve, bien sûr. Au plus, t'as chance de gagner. Allez, hop. D'accord. Allô? Maxime? Oui. Ouais, c'est moi. Ça va? Sandrine? Oui. Ça va et toi? Bah ouais, ça va. Dis voir, je t'appelle parce que j'ai un truc à te dire. Oui. En fait, ça fait... Tu sais, je suis à Paris en ce moment et puis ça fait quelque temps que il y a un mec qui me tourne autour à mon entreprise. Et... Ah, oui, c'est. Bah non, justement, en fait, j'ai craqué et... Quoi? Et depuis la semaine dernière, ça fait une semaine que j'ai couché avec, en fait. De quoi? Mais c'est lui, enfin, je suis obligée de te l'annoncer, j'ai pas envie de te mentir longtemps, mais oui, j'ai couché avec. Voilà. Oh, elle est dit en mode tristesse, ouais, en mode je regrette. Je sais que tu m'avais dit que je te ferais, que tu me fasses confiance, mais voilà, j'ai craqué. Mais d'accord, attends, tu m'annonces que tu m'as trompé. Mais... Avec un autre, au bout d'une semaine, t'arrives à coucher avec. Bah oui, attends. C'est parce que c'est un dieu, il est beau, je le vois tous les jours. C'est un quoi? Bah, il fait là des choses que toi tu ne sais pas, il est... Ah ouais, ça je confirme. Et franchement, c'est un dieu, oui. Bon, dépêche-toi au téléphone, on va pas y passer la nuit quand même, hein. On a d'autres choses à faire. Bah, voilà, il s'appelle Michel, là je suis chez lui et... Bon bah, je vais dormir chez lui. Quoi? C'est quoi ce nom de ta tête, Michel? C'est quoi de ça? Et t'oses m'appeler pour me dire ça? Mais faut bien que tu le saches, non? Bon, allez, vas-y, c'est bon, là, tu lui as dit, là, hop, là, l'affaire est pliée, là. Non, mais attends, c'est incroyable, ça, on pas, il veut pas non plus une babysitter, là, hein, il veut pas faire un babysitting. C'est ouf, ça. Ta gueule. Bon, alors, qu'est-ce qu'il dit? Il est ok, il est d'accord? Non, mais Maxime le prend pas mal, franchement, c'est... Attends, t'oses me dire que tu m'aimes tous les jours? Oh là là, on dirait un gamin. Oh là là, tu veux je peux lui envoyer ma soeur, hein. Elle est majeure, elle peut le garder. Hein. C'est dingue ça quand même là. Putain, gueule, la merde, alors. Je sais pas quoi te dire, c'est... Ah bah dis-lui que c'est fini. Il est beau et... Non mais dis-lui que c'est fini, voilà, hop là. S'il comprend pas, bon, on lui fera un courrier. Non, non, attends, passe-moi le téléphone, le t'enculé. C'est dingue ça quand même là, putain. Michel? Ouais. Ah, il veut te parler. Oh bah là, il manquait plus que ça maintenant, tiens. Bon bah passe à moi. Bon, comment il s'appelle? Maxime. Oh là là, quel nom de merde. Allô? Oui. Ouais, qu'est-ce que tu veux? C'est Michel. Ouais, t'as osé me tromper là avec ma gonzesse. Ah bah non, c'est-à-dire qu'on sortait pas ensemble, là, moi je t'ai pas trompé, hein. Ah bon? Voilà. Et comment t'as réussi à coucher avec? Bah comment ça, comment j'ai réussi? Bah c'est-à-dire que je lui ai fait mon charme et puis voilà, ça a fonctionné, j'ai cru qu'elle était célibataire. Après elle m'a dit je suis avec quelqu'un, j'ai dit c'est pas grave. De quoi? Elle t'a dit que t'étais célibataire? Non, elle m'a dit... Non, il comprend rien, c'est dingue ça quand même. J'ai cru qu'elle était célibataire au début, tu vois, quand je suis arrivé. Quand j'ai commencé à la charmer. Après, elle m'a dit qu'elle était avec quelqu'un, je dis c'est pas grave. Elle m'a dit ok, d'accord. Alors moi, j'ai essayé, hein, tu vois, c'est-à-dire que le feuille est vert, tu passes, hein, tu ne cherches pas à savoir si le feuille va redevenir rouge, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Voilà, et puis bon, bah voilà, après elle a craqué, tu vois, c'est normal, hein. Les enculés. Quoi? Tu crois que j'ai pas entendu ou quoi? Attends, tu veux que je vienne directement là à Charleville-Mézières là? Je viens avec ma tronçonneuse, je couperai les armes. Viens Charleville, viens. Qu'est-ce viens, que je fous à Charleville? Je sais même pas comment on arrive là-bas. Viens. C'est où Charleville? C'est tout près de la Corse. Je monte. Hein, c'est en Corse? C'est en Corse? Moi je suis à Paris, moi. Attends, tu rigoles ou quoi? Paris, j'y suis en 2 heures. 2 heures. Ah, 2 heures. C'est-à-dire qu'avec les embouteillages et tout, mon vieux, que t'es pas arrivé, hein. Non, t'inquiète. Ah bah, je te dis direct. Je connais Paris. Je te dis direct. Eh ben, tu connais Paris, toi? Ouais. Bah, c'est-à-dire que quoi? Tu connais le périph'? Oui, je connais le périph'. Ah, c'est déjà pas mal, hein, de connaître le périph'. Ouais, je connais Paris. Vous avez pas ça, Charleville, hein, périph'? Ah non. Ah non, ça, je te jure, je te confirme. Hein, vous avez des petits chemins de bois, là, non? De terre, dans le bois, non? Ouais, exact. Ah bah, d'accord, ok. Putain, tu vas te faire chier, là, Charleville, non? Non, ça va. Bon, ouais, tout ça pour te dire que c'est fini avec ta copine, tu vois, basta, terminé. Ouais, c'est ça, attends. Ah bah non, attends, ouais. entre un mec de Paris et un mec de Charleville, si tu veux, elle a pas réfléchi deux secondes. C'est ça, ouais. Oh, attends, c'est normal, c'est normal. T'as de la chance d'être à Paris, je te le dis. Non mais arrête, oui, je te confirme, ouais, hein, alors par rapport à Charleville, là, je vais te dire directement, ouais. C'est clair. Hein. C'est toi, repasse-moi là. Non bah quoi, attends, repasse-la moi deux secondes, déjà tu sais même pas parler français, alors si tu veux. Allô? Ouais, j'attends. Bon, attends une seconde, bah, je vais te la repasser une seconde. Oh, Angeline! Tiens, je te le repasse là. Oh, il a l'air relou, il veut venir à Paris maintenant. Oh là là, il a que ça à foutre. Maxime? Ouais. Eh, dis-lui que je lui paierai un appareil photo. Oh, Angeline! Eh, dis-lui que je lui paierai un appareil photo portable là, pour. Enfin, tu sais, pour jeter là, pour faire les photos à la Tour Eiffel. Ouais, parce que Michel, il m'a emmené à la Tour Eiffel, franchement, c'était trop bien. Mais ce que je veux dire, c'est. T'oses me dire que tu me fais pas. Tu fais pas confiance, et toi tu veux que je fasse confiance alors que t'es à Paris 3 jours là et tu m'annonces qu'au bout de bah, autant qu'elle perd pas de temps hein. Mais attends, et ça fait plus de 4 mois que je te demande pour aller visiter la Tour Eiffel. T'es même pas foutu de venir à Paris pour qu'on visite la Tour Eiffel. Mais je suis déjà allé à la Tour Eiffel, j'y vais. Bah oui, j'y vais. Ah bah ouais, ben ça c'est clair, il préfère te faire visiter un arbre de la forêt hein. Mais ce que je voulais te demander, c'est, tu sais, le portable que tu voulais vendre. En plus, est-ce que tu pourrais me demander quelque chose? De quoi? Tu oses me demander encore quelque chose? Et tu te fous vraiment de ma gueule, toi? Non, demande-lui pour le portable quand même, on sait jamais, hein. Parce que Michel, il aimerait bien en avoir un, alors je te demande si... Bah, c'est un prêt, hein, c'est un prêt. Donner, hein. Ou je sais pas, je te rachète 30 euros, c'est pas grave. Il va se faire foutre, lui. Bah, je lui mets 35 euros, là. Il va se faire foutre. 35 euros. Ouais, non ça. Mais Maxime le prend pas mal, attends c'est des choses qui arrivent tous les jours quoi. Mais qu'est-ce qu'il est relou alors, j'ai envie de te dire, il y a un moment c'est pas possible. Il sort rien du tout. Il est plus beau que toi, il est plus intelligent que toi. Ah il... mais ça je te confirme. Il m'a fait visiter des choses. Ah et puis en plus de lui avoir fait visiter des choses, j'ai visité des choses aussi, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, fermé ça. Fermé parce que ça va mal aller. Ouais, ah, qu'est-ce qu'il va faire? T'es où? T'es à ton appartement là? On est à Montpellier. Oh là, il comprend rien. Il comprend rien. Chez lui là. Oh là là. Là, ah, en plus, t'es chez lui là. Bah évidemment. Bah tu sais comment c'est mon appartement, c'est pas terrible. Alors depuis quelque temps, il m'a proposé d'aller chez lui tous les soirs. Ah, en plus, c'est juste à côté du taf. Oh, t'es d'accord. Mais ça fait quelques mois qu'on se connaît. On travaille ensemble quand même. Ouais, on voilà, c'est ça. Tu vois, c'est l'amour fou. Tous les jours. C'est l'amour fou. Ah, Max. En plus, comme ça, il m'emmène le matin et tout. Hey Max. Ouais. Oh, tu vas pas le prendre mal quand même. Je te la rendrai après, hein. Tu la gardes les week-ends, j'apprends la semaine. Ça paraît un bon deal, non? Ferme. Oh, si on peut plus rire 5 minutes. Bah, tu veux pas que je revienne les week-ends? On se voit les week-ends et puis je reste avec Michel la semaine, non? Bah voilà, bah c'est parfait, ça. Mais c'est quoi encore? Comme si ça marchait comme ça. Bah, ça peut... tu vois que tu l'aimes pas, hein. Toi. Non mais attends, tu vois que tu l'aimes pas vraiment. Si tu l'aimais vraiment, t'accepterais ce qu'elle te demande. Tu l'aimes pas vraiment. Et puis tu pourrais en trouver une pour l'amour, c'est pas toi. Mais si, l'amour c'est ça, l'amour c'est ce que la femme veut. Et ce que femme veut, homme le peut. Oh c'est beau ça. Non. Ça marche pas comme ça chez moi. Oh et donc alors, hein. Bon Max. Quoi? Max. Quoi? Va chercher. Allez, excuse-toi pour tout ce que tu m'as dit. Pourquoi je m'excuserais? Bah parce que je te le demande. Allez, auprès de... Allez, dis, je m'excuse. Je dis rien du tout. Non ouais. Mais si, tu vas être content après. Dis-le, je m'excuse. Non. Si. Non, je dirai rien. Angeline, dis-lui, sinon après tu n'auras pas ce que je t'ai promis au début. Oh non. Ah si. Excuse-toi. Pourquoi je m'excuserais? Oh j'aime ça. Un dieu. Quoi? On m'a promis des choses de rêve. Mais puis quoi encore? Allez, qui s'excuse? Sinon, je ne te donnerai pas ce que je t'ai dit il y a 10 minutes. Maxime, excuse-toi. Mais pourquoi je m'excuserai? Arrête de poser des questions, excuse-toi. Excuse-toi, allez. Je m'excuse. Oh, dis donc, alors toi, tu vas vraiment jusqu'au bout, toi, Maxime. C'est Mickaël, t'es à la radio sur Énergie, Maxime. C'était le chéri, je t'ai fait cocu. Oh, merci, Maxime. Bonne d'enfoiré. Oh, bon, je qu'on peut plus rire 5 minutes. Alors. Mais dis donc, t'as pas capté que je faisais un accent? Mais alors, c'est improbable d'avoir un accent aussi dégueulasse, quoi. Un accent, non, j'ai pas... Ah, t'as pas remarqué? Ah bah merde. Non. Ah putain, il y a des trucs et des mots. Il y avait même pas de mots qui existaient en fait dans ces phrases. Mais bon, c'est pas grave. Bon Maxime, on va te filer une télé Full HD que tu vas recevoir chez toi, je ne sais pas par quel moyen, mais tu vas la recevoir, hein, pigeon voyageur éventuellement. 42 pouces Full HD ou la PS3 comme tu veux Max. Comment ? La PS3 ou la télé Full HD 42 pouces ? La télé. Allez hop, c'est parti, télé pour toi. Et puis Angéline ? Oui ? Eh ben, fellation pendant une semaine. Hein. Minimum. Et t'as intérêt à pas avoir de retard. Et en plus t'as intérêt à pas avoir de retard parce que sinon les intérêts de retard ce sera une sodomie. Hein. Enfin moi je dis ça après. C'est vous qui vous arrangerez. Ah ouais, c'est pour ça, faut pas être en retard. Hein. Bon, Angéline et Maxime, je vous fais des gros bisous tous les deux. Vous repassez chez Michel au standard, on prend vos coordonnées, on vous envoie la télé 42 pouces Full HD, ok? Ok, merci beaucoup. Allez, salut à merci vous deux. Mickaël. Ciao, bye bye, bye bye. Mickaël, le podcast. Et puis nous allons pouvoir passer maintenant au Mac du jour. Bienvenue à tous dans ce Mac du jour, un tour d'horizon de l'actu condensé et revue à notre sauce. Et on attaque avec ce premier titre dans l'actu et un petit scandale à la télé anglaise. Tia Brody, actrice porno de 33 ans, s'est présentée sur le plateau de Britain's Got Talent, cette même émission qui a révélé Susan Boyle pour montrer ses talents de performeuse. Ce qu'elle a fait, seins nus bien sûr, hein, les tétons juste cachés par des grosses pastilles noires. Elle a passé une flamme le long de son corps. Voilà. Ouais, mais j'ai déjà vu des films avec elle, elle a toujours eu le feu au cul. Oui. Bah, l'émission étant diffusée à une heure de grande écoute, sa nudité a provoqué évidemment le remous des téléspectateurs, surtout les Anglais, vous imaginez. Plus de 30 appels ont été passés à l'organisme de réglementation des médias. L'actrice a déclaré qu'elle rêvait de devenir une star du burlesque et espère que son passage dans l'émission lui ouvrira des portes. Voilà. Ouais, bah belle reconversion. Bah, elle avait l'habitude d'ouvrir la cuisse, maintenant elle essaie d'ouvrir des portes. Allez, on poursuit en France avec cette histoire incroyable. Non mais c'est exceptionnel. Un boulon exceptionnel. Incroyable. Wow. Un boulanger ambulant va devoir payer une amende faramineuse pour avoir exercé son métier. Quelqu'un a porté plainte parce qu'il a pétri des miches ? Non, bah presque cela dit. Hein. En fait, des gens ont porté plainte contre lui parce qu'il klaxonnait pour prévenir les villageois de son arrivée. Sauf qu'en France, c'est interdit de klaxonner. Ah bon, tu prends une amende quand tu klaxonnes ? Bah oui, apparemment. Ah putain, il suffirait que les flics qui décident d'aller bosser un peu sur Paris, là, en une semaine, on bouche le trou de la sécu. Hein. Ah bah tu m'étonnes. Ah si je peux me permettre. Oui. C'est une amende farineuse. Oh ah oui, effectivement. Bon, et on termine avec de la technologie pour ceux qui nous écoutent ce soir. Aux USA, TomTom lance un tout nouveau GPS qui te guide avec la voix de Dark Vador. Mercredi, donc Sandro nous parlait de voix de GPS qui hésitait et toussait. Et puis bah là, on s'aperçoit que pas mal de stars vont prêter leur voix à des GPS. En France, il y a Elise Moon, je crois. Exactement, ouais. D'ailleurs, l'acteur prête sa voix à une version spéciale de TomTom. Et puis sinon, aux US, il y a le chanteur Bob Dylan aussi. Ouais, il y a quelques risques hein, quand même. Le premier personnage de Star Wars qu'ils avaient mis dans le GPS, c'était Yoda. Du coup, ça la foutait mal pour indiquer le chemin. Tu m'étonnes. Bon, ça dit, je serais curieux de voir qui mettrait pour le GPS en Belgique. Bah tout sauf Michael Jackson, hein. Parce que attention école ralentir ça va créer tout l'accident. Oh. Bon on passe maintenant au con du jour avec Jack. Ouais et ça se passe en Australie, mais les cons du jour sont 12. Ouais. Tous sont présents. Des kangourous. Tous présents au même endroit et tous aussi cons les uns que les autres. Hein. D'accord. La scène se passe dans un tribunal lors d'un procès pour trafic de drogue. Mmh. Faut savoir que c'est une grosse machine, hein. $1 million de procédure, 105 témoins, 2 accusés qui risquent tous les deux la perpétuité. Et 12 cons donc, à savoir les 12 jurés. D'accord. Donc, pendant tout le procès, donc qui a duré des mois et des mois, les jurés ont pris des notes tout le temps. Ils étaient super concentrés. Des notes dans tous les sens, quoi, à gauche, à droite, et surtout à la verticale. Et c'est ce qui a intrigué le juge en fait, qui a interrompu le procès, lorsqu'il s'est aperçu que les jurés passaient leur temps à remplir des sudokus. Oh, ça y est, putain, ça a recommencé. Ça y est, c'est reparti. Ouais. Ah, il avait déjà fait ça. Résultat, mes cons du jour ont niqué tout le procès. C'est dingue, c'est dingue. Putain, qu'est-ce qu'ils sont cons alors. Enfin bon. Bon, merci Jack pour ces cons du jour. On passe maintenant au sport. Football, télévision et équipe de France. Les premiers téléviseurs 3D sont disponibles à la vente et il est prévu que certains matchs de la Coupe du Monde de foot 2010 soient diffusés en 3D. Ah, ouais. Ça va être chiant, mais ça. Ouais, ouais. Bah, c'est surtout qu'une cicatrice de Ribéry en 3D, ça peut faire peur. Hein. Ah oui, ça, c'est apparemment, il y aura les bleus en 3D, ouais. C'est le seul moyen que Domenech a trouvé pour plus faire de matchs tout plat. Bon, et puis équipe de France toujours et Franck Ribéry toujours aussi qui a donné une interview à la FIFA dans laquelle il croit que la France peut gagner la Coupe du Monde, mais il n'y a pas parlé de Zaya. Hein. Ça n'existe plus le foot en France. C'est-à-dire la tête de Zidane, la main d'Henri, la bite de Ribéry, jamais on parle de leurs pieds au bleu. Allez, sur ce mag du jour touche à sa fin. Et avant d'y mettre un terme, on va jouer donc avec le traditionnel quiz des citations people, bien évidemment. À votre avis, qui a dit ? Who is telling ? Qui a dit ? To say. Qui, hein ? Bon. Il va traduire tout ce que tu dis en anglais à partir de maintenant. Oh putain, non, t'es relou. Oh, what the fuck ? Vas-y, Ro, essaye pour voir. Qui a dit ? En anglais ? Ah oui, il faut que tu traduises tout. Who said ? Clint Eastwood et moi, on a une passion en commun, la bière. Clint Eastwood and me, we've got a hobby. The beer. Together. The beer. The beer. Après, il faut répondre. Ah oui, l'ours. L'ours. Non. The beer, l'ours. Non. L'ours. Non, la bière. Non. Jean-Louis Borloo. Non. Ah ouais. Christine Bravo. Non. Peut-être ils se connaissent. Non. Moi, c'est moi. Non, non, non, non, non, non, non. Arnold Schwarzenegger. Je peux vous donner un indice. La France. Jean-Marie Le Pen. Non, non. Barack Obama. Non, non, avec, c'est avec Clint Eastwood. Non, Clint Eastwood, ouais. Parce que je pensais à Barack Obama. Non, non. Non, c'est la France. La France. Ah, je sais. C'est un belge. C'est pas un c'est belge. C'est le ministre belge. Non. Michel Dardenne. Michel non. Dardenne. Non, la France. Tu penses à quoi? Quoi? Je pense à un mec qui met des mains au cul. Non. Qui a peut-être rencontré Zaya. Non. Alors c'est pas des escales. Qui met des mains au cul. Non. Parce que pour la peine, c'est une meuf. C'est une meuf? Marie... Non. C'est Ségolène Royal? Non. Bon alors la France, bon, allez, un autre indice. Malgré son nom, elle est belge. Elle s'appelle France. France Gall. Ah, France Gall. C'est pas l'une, c'est l'autre. Sylvie Vartan. Mais non. Ouais, moi je confonds. La Francine. Non. France, Allez, mon frère, c'est France, pas possible. France. France. France Gall. France Ribéry. Cécile de France. Voilà. Ah, et ben voilà. Oh, putain, il a rien dit tout le mag. Comme ça, bam, bam. Il a rien dit tout le mag, mais c'est bon là. Bon, allez, deuxième. Qui a dit c'est pas possible? Euro, il faut Jamel. Ah, non. Sinon, c'est pas possible. À quel point une amoureuse est conne? En gros, les salopes ont plus ont la plus belle vie. It's not possible. C'est quoi après? À quel point une amoureuse est conne? A lover, non, such, non. Polo, much, polo. How much? How much? Non, mais c'est pas ça. How much? Si, how much a girl in love? Love a parfait. Oh, c'était parfait. Idiot is idiot. La traduction est parfaite. Is idiot et après? En gros, les salopes ont la plus belle vie. The beach are the most beautiful life. Il faut répondre. Oui. Alors ouais. Répète la phrase du coup parce que. Oh merde, c'est pas possible. À quel point une amoureuse est conne? En gros, les salopes ont la plus belle vie. Paris Hilton? Non. Une salope? Non. C'est une salope? Non. C'est une, pas que je sache. C'est une déçue. Oui. C'est une déçue. C'est une déçue. Une meuf qui vient de se faire plaquer. Une meuf qui vient de se faire. Sandra Bullock? Non. Petit indice. Ouais. Isabelle a tes souhaits et cache la vérité. À Gianni. Pas ça? Si, c'est Isabelle Adjani. Attendez, Isabelle Adjani. Oui, ouais. Oui, oui. Ah bah oui, mais enfin moi il faut à tes souhaits faut répondre aussi. Hein. Isabelle Adjani. À tes souhaits et cache la vérité. Adjani. D'accord. Voilà. Adjani. Allez. Et ah ouais, d'accord. Le dernier, la dernière donc question, qui a dit je kiffe tellement ce que je fais que ce matin j'étais debout à 9h30. Ouh. Ah, je sais. Je sais. À 9h30, hein. Non. Ça c'est drôle. Bah alors Nico, ah non, t'as vu comment il te vanne un peu là? Ah ouais, bah le... Merci Nico. Par contre t'as pas traduit où? Vas-y alors c'est quoi? Je kiffe tellement ce que je fais que ce matin j'étais debout à 9h30. I like so much what I do. That's why this morning I wake up at 9:30. C'est ça? Ouais, I woke up. Ouais voilà, on va pas chipoter non plus hein. Bon, après il faut savoir. Allez. Comment elle s'appelle? Je sais pas. 9h30, comment elle s'appelle? Jennifer Lopez. Non. Pattinson. Non. Pattinson. C'est une fille, non? Non. Oui. Ah, Katy Perry. Non. Lily Allen. C'est non. Une française. Oui. Ah. C'est une politique. Non. C'est une chanteuse. Oui. Enfin, oui. Oui. Ah. Allez, indice. Prénom, sorte de fleur, reprénom, pays arabe dont la capitale est Amman. Vas-y, démerde toi. Marguerite. Marguerite. Ah ouais, la rose. Rose. Non. Rose, non. Rose, Marguerite. Coquelicot. Non. Tulipe. Non. Bon, Géranium. Mais alors je la plains parce que c'est Géranium. C'est pas celle. Enfin je veux dire, c'est pas non plus le nom de fleurs qui est le plus répandu au monde, hein, ça c'est ah, sûr. Donc c'est des fleurs pourries. Ortie. Je dis que c'était des fleurs pourries. Orti, non. Bus. Non. C'est, ça, ça commence un peu comme, comme caca. Cactus. Non. Bonjour, je m'appelle Camélia Jordana. Camélia Jordana. Ah, d'accord. Ouais. Okay. Et bah voilà, Roux. Tu vois quand tu veux. Allez, c'est quoi cette phrase? Je kiffe tellement ce que je fais que je me lave à 9h30. Ah oui, qu'est-ce que je fais? C'est moi qui ai fait la phrase. J'y peux rien, celle qui l'a sortie. Bon, fin du mec du jour, autour du mec du jour, un autre jour. Mickaël, le podcast. Et puis on va se faire péter le blind test. Alors, le blind test, facile, hein, c'est le Batoff, en l'occurrence, la semaine dernière c'était la Rousse qui s'y était collé avec un blind test spécial de son iTunes. Bah ouais, ouais, avec des morceaux pas foulé, hein. Non mais c'est pas. Non mais c'est-à-dire que tu sais, en général, t'aimes bien un style. Ah il y avait de tout là. Ah bah alors c'était n'importe quoi. Il y avait de la merde. Des morceaux des années 80, t'avais du rock, t'avais des trucs improbables. Parfois improbables. Je me demande comment le Roux fait pour avoir ça. Bah je sais pas. C'est-à-dire que ça veut dire que soit tu les as achetés, soit t'as eu physiquement le CD en main. Non, bah non, soit il a. Non, oui, voilà. C'est encore pire. Soit il peut télécharger aussi. Ça veut dire que consciemment tu allais chercher ce morceau. Mais non, mais parfois tu peux le choper, tu sais, en faisant la copie d'indice d'un pote ou j'en sais rien. Oui, ça veut dire que physiquement il a eu le CD en main. C'est, ça, c'est, ah bah non, parce que regarde, moi, c'est déjà exceptionnel. Non, quand je dis le disque, c'est le disque dur. Et Yaktov, le vieux, c'est qu'il pense qu'encore un disque, c'est les compacts disques. C'est le disque dur. Ça revient au même. Mais non, en général, tu vois MP3 chez un pote, tu copies tout, puis après tu fais le ménage. Quand t'as jamais le temps de faire le ménage, bah voilà. Mais ça revient au même. Ça veut dire que ce pote a eu physiquement un moment le CD en main. Ah ouais, sauf si le pote a fait encore une fois la copie, tu vois. Ça veut dire qu'au départ, il y a un mec qui a eu le CD de cette merde en main. Non, il y a. Je vais aller plus loin, il y a un mec qui a composé la musique. C'est encore pire. Et d'autres qui ont dit putain ce truc va marcher, on va le sortir. Non mais toi, voilà, il se la ramène, on va voir ce qu'il va nous balancer. C'est ça. Ah mais moi non, moi c'est du lourd les gars, c'est du lourd. C'est du lourd, c'est ça, ça vient. Très très lourd. Bon allez, faisons écouter le premier. Non, attends, mais c'est quoi déjà? C'est du style de merde. C'est non, d'abord je vous mets le premier et après je vous explique. Parce que si je vous explique, ça casse le délire. Bon bah vas-y, mets le premier. Alors ça c'est le premier. Donc il faut trouver l'artiste original, faut pas trouver celui qui l'a fait. Hein. Ouais ouais, vas-y. C'est une reprise. Oui oui, bon allez. Bon, vous êtes prêts? Allez. Vous êtes prêts? Non mais ça va être dur. Hein. Vas-y. Oh là là. Ah, je vous avais prévenu. Hein. Non mais tu écoutes pas ça en plus, c'est quoi cette blague? Non, j'ai pas dit que j'écoutais. J'expliquais après. Non, c'est Courtney Love, c'est pas Courtney Love, jamais de la vie. Attends, je sais qu'elle a une voix de mec, mais quand même. Bah écoute. Je sais pas, Rammstein, j'en sais rien. Donne ça. Attends, ah merde, attends, remets-le. Tu veux que je le remette? Vite. Allez. Fait. Marilyn Manson. Non. Rambo. Ah putain. J'allais mais non, dire. Mais il a dit qu'il fallait trouver l'artiste. L'artiste original, Justin Bieber. D'accord. Ouais ouais, bon bah chercher la voix, moi quand bah, ouais. Donc c'est un mec qui reprend. J'allais le dire en plus, juste au moment où t'as percuté, bam, j'ai percuté en même temps. Dommage. En fait c'est un japonais qui est un sourd de... déjà. Non, qui est fou de métal. Et donc son kiff c'est de reprendre plein de chansons mais version métal. D'accord. C'est, parfois c'est dur. Ah bah d'accord. Là c'était dur, hein, ah ouais, là, c'était vas-y compliqué. Remets un coup Baby vite fait. Alors je remets Baby vite fait. Ouais mais non c'est cool, mais non c'est logique tu vois, c'est évident maintenant. Bon allez vas-y. Bon aussi quand même. Bon allez vas-y next. Alors allez, je vous mets le suivant, vous êtes prêts? Ouais. Allez, celui-là. Rude Boy, Rihanna. Pas mal. Oh t'as vu un peu. Même, ouais. Je voulais ça un peu encore. Non mais. Ouais c'est bizarre quand même. Ouais ouais. Non mais ce qui est nul c'est que il reprend pas la mélodie, il arrange pas la mélodie. Ah mais non mais attends, mais quand tu chantes comme ça, enfin quand tu chantes, quand c'est ce style de chanson, il y a pas de mélodie, c'est le truc de la chanson, voilà c'est tout. Putain. Ah bah oui mais moi je déteste ce genre de musique ouais. Ah mais c'est bon toi, enfin je crois qu'on connaît la version originale. Ah c'était ça. Ouais, ah, ouais oui, c'était ça, Rihanna ouais. Avec Rude Boy. Bon, très allez bien, next. Vous faites les malins plus durs. Ça c'est l'original hein, je pense. Ouais. C'est dommage. Ah ouais bah oui, c'est comme dommage. Un idiot. Ah, peut-être que je l'aurais mal encodé. Ouais ouais bah c'est vas-y passe. Ah non suivant. Je l'ai mal encodé dans les deux. Allez vas-y passe, il y avait deux fois le raté. Allez, c'est dommage, bah c'est pas grave allez. Ah. Ah vous faisiez les malins. Maroon 5. Ouais. Non. Téléphone les gars et Beyoncé. Pas mal. Ouais, bah, demi point chacun. Bah, sans gros joue plus. Hein, c'est ah fini. Oui c'est vrai, oui il faut jouer. Ah oui c'est il faut jouer ouais. Bon ouais facile. En même temps il suffit d'écouter les paroles et ça te revient. Hein, ouais, c'est même pas faut les comprendre. Il faut les comprendre. Il faut les comprendre. Bon j'ai du japonais. Allez le suivant. C'est allez le, vas-y. C'est le dernier. Bon très bien allez vas-y. C'est mon préféré. Ah Kesha. Sarah Slapton. Kesha, ouais. Ouais, voilà. Putain, mais c'était de la merde, hein. Ah, de rien, roux. Non, mais ce qui est nul, c'est que le mec, il arrange pas le truc, quoi. Tu pourrais dire c'est une nouvelle version, non? Mais c'est non, mais, t'as merde. Mais non, mais ce style de version, ce style de reprise, c'est pas fait pour arranger. Ils font leur bordel et puis voilà, et ils ont pas besoin d'arranger ou pas d'arranger, ils s'en battent les couilles. Ah non, ça c'est sûr que le mec il avait pas besoin d'arranger. Hein. Ah bah non, mais je te confirme. Mais voilà, enfin moi quand, et alors faut voir parce qu'il y a je vais en mettre 2-3 sur le blog des clips de ces chansons là. Ouais. C'est juste. Ah il y a des clips en plus. Ah ouais, il y a des clips. Alors faut s'imaginer le mec, c'est un japonais avec les cheveux longs mais quasiment jusqu'au cul. Ouais. La barbe pareil, qui lui arrive, genre il doit pouvoir se frotter la bite avec. Et il a une Harley Davidson. Non, ça tu vois pas. Il chante dans un micro, mais c'est à dire que tu vois que c'est vraiment un micro pour pouvoir hurler dedans. C'est très drôle parce que ce que tu me dis, c'est que Pablo me dit mais c'est pas vrai du tout ce qu'il raconte. Il a pas de barbe. Si, il a les cheveux longs. Oui, bah d'accord. Ah, il avait pas la barbe. C'est le bassiste qui a la barbe. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. C'est le bassiste qui a la barbe. Mais je mettrai les vidéos sur le blog. Voilà, enfin le mec il est juste improbable. Vous irez voir ça sur donc mikael.fr. Très bien. Bon, on remettra un petit coup de blind test la semaine prochaine si vous voulez jouer avec nous. 612. Débutez votre message par énergie ou sur mikael.fr. Mikael, le podcast. Et nous allons pouvoir passer maintenant au Radio Chatas, le dernier de la soirée, donc vendredi. Oui, le dernier homme de la semaine. En même temps, on fait ça que le vendredi, donc finalement ça revient un petit peu au même. On aura le polo chaud dans quelques instants, on ira chez Jean-Claude également. Super. Pour faire plaisir à la rousse comme d'habitude et comme tous les vendredis soirs au fucking Blue Boy. T'as pas de carte de membre Sandro toi non plus? Non, il m'aime pas. Oui. Il a un problème avec les femmes. Oui. Oui. Ça doit être les seins. Il est jalouse. Peut-être. Écoute, on essaiera de lui poser la question, pourquoi pas. Bon, on va faire un petit raid du chatasse maintenant. Allez, c'est parti, Pilou, parfait. Ah, ça y est, c'est parti. Pilou, Pilou, Pilou, ta gueule, Pilou, putain de ta race. Pilou, Pilou, Pilou, mais quelle violence, Roux! Ah, il est relou ce mec! Quelle violence! C'est assez, c'est grave quand même! Ta gueule! Ah, voilà quand même! Ah bah tu vois! Il y a une poule un peu, Pilou! Non, je parlais à mon fan! Ah, yeah! Pilou, je t'aime! Bon, fermez vos gueules tous les deux! Bon, il va se calmer! C'est insupportable là! C'est incroyable ça! Bon, on y va, donc Radio Chatas, le dernier de ce soir! On va donc. J'ai ma voix qui change jour après jour, je mue. C'est seconde bizarre. Après seconde même, hein. Oui, je sais, c'est bizarre. Tu mues à l'envers, quoi. Bon, allez, on y va, on appelle le premier et le dernier. Bah, le dernier de la soirée, hein, tout simplement. Ouais. Allez, c'est parti, on y va. Allô. Allô, monsieur Richard. Oui, c'est lui-même. Bonjour, monsieur Richard. Vous êtes en direct à la radio sur Radio Chatas, c'est Bilou. Chatas. Est-ce que vous écoutez souvent Radio Chatas? Ah, je l'ai pas, j'ai Radio J. Ah non, pas Radio J, Radio Chatas. Ah non, je l'ai pas. J'ai ah mais vous avez déjà entendu parler? Non, j'ai jamais entendu parler. Jamais? Écoutez, c'est bizarre, Chatas. Monsieur Richard, c'est pas grave. Je vais vous poser une petite question, si vous avez la bonne réponse, vous gagnez des cadeaux. Ah bon, dites toujours. Alors attention, pourquoi les Esquimaux adorent-ils aller au cinéma? Attention, 10 secondes pour répondre à la question, gagner des cadeaux. Oui, ouais, les Esquimaux. Des tonnes de cadeaux, plus que 10 secondes. Je sais pas. Attention. Monsieur Richard, pourquoi les Esquimaux adorent-ils aller au cinéma? Plus que 10 secondes. Je ne sais, attendez. Allez, dites au hasard. Pour voir la neige. Pour voir la neige, malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Ah bah oui, je ne savais pas. La réponse, c'est parce qu'ils se font sucer à l'entracte. Ah bon? Mais oui, bon, mais c'est pas grave, monsieur Richard, vous écouterez dorénavant Radio Chatas. Radio Chatas. D'accord. Quel est le nom de la radio? Comment, Radio Chabat? Non, Chatas, pas Chabat, Chatas. Chabat. Chatas. Chatat, j'arrive pas à le prononcer. Non, Chatas. Un chat comme... Non, un chat comme un chat, oui. Et une tasse comme une tasse pour boire le café. Ah, fait... Chatas. Voilà, ah, Chatas. D'accord. Et la fréquence? Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. 109.3. D'accord. Et le nom de la radio? Chatas. Voilà, et la fréquence? 109.3. Sinon, vous n'arriverez pas. Et le nom de la radio? Chatas. Et la fréquence? 109.3. Voilà, C'est bon. Parfait, monsieur Richard. Merci beaucoup. De rien. Au revoir et à bientôt. Ah mais il était gentil, monsieur Richard. Ah oui, mais alors il a vraiment mal compris le nom de la radio. Ah oui, oui, il a mal compris. Hein. Oui, ça c'est sûr, il a mal compris. Bon, c'est pas grave. Chatas shalom à lui. Oui, tout à fait, oui, exactement. Bon, eh ben au revoir. Hein. Au revoir, Bilou. Ah, parce qu'il y a Jean-Claude apparemment qui pousse là. Il a l'air très gentil, ou tu lui ferais une bise. Ouais. Une grosse bise. Une baise. Une grosse baise. Voilà, c'est ça. Bon week-end. À plus, salut, Bilou. Ah, il était bien aussi, lui, hein. Qui? Ah, monsieur Richard. Ouais. Ah, grave. Très très bon, très très bon. Monsieur Richard. Ah bah oui, ça c'est sûr. Bon, c'est pas grave. Tout à l'heure, The P-Wallow Show. Grave, et puis non, bah je sais, c'est pas grave, non. Et puis là, il est l'heure de passer au fucking Blue Boy avec Jean-Claude, hein, un petit peu comme tous les vendredis soirs. Nous allons aller dans cette grande discothèque

La C, 20 000. Bravo, Damien. Tu as été client. Voilà. Ah, et bien, on n'est pas dans la merde parce que ça fait un partout. Ah, bah, il faut nous départager. Hein. Ah, bah, je vais vous départager. Il y a une quatrième question ou pas? Je vais vous départager avec la carte, la question secrète. La star qui s'est acheté un god. Ah oui, c'est vrai, il y avait celle-là aussi. Bon, on l'a fait la semaine, enfin en début de semaine, mais bon. Alors, qui est allé s'acheter un god Michel? Sauf qu'on n'est pas sûr de la réponse. Oui, c'est vrai, on est sûr de la réponse. Qui s'est acheté un god Michel à Pigalle la semaine dernière? Damien. Non, David d'abord. J'ai entendu en plus quand vous en avez parlé, c'est une chanteuse américaine. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Ah, j'ai pas, je sèche. Damien, je t'écoute. Beyoncé. Je vérifie. Ah, c'est une mauvaise réponse. Tiens, bah dans ton cul, ça donne. Eh oui. Mais enfin, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de sites qui donnent des réponses erronées. Donc on ne sait pas trop, en fait. C'est malin, Jean-Claude, d'avoir posé cette question-là. C'est Beyoncé ou Rihanna, en fait. Bah voilà, c'est ça. C'est moi. Qui était à Paris? Voilà, moi je suis sur un site où c'est Rihanna repérée dans un sex shop parisien. Donc c'est une mauvaise réponse, Damien. Vite. Alors, Damien, David, vite, l'autre. David, propose-moi. Christina Aguilera. Mais il vient de le dire, David. Mais non. Damien, je t'écoute. Rihanna. Bravo. Complètement con, David. Oh. Ouais, je suis bon joueur, c'est pour lui laisser prendre un point. Ouais, c'est ça. Damien, tu as gagné. Et, et David, tu gagnes un vibromasseur dédicacé par Rihanna. C'est génial. Ah bah, ça, c'est au top. Non, c'est quoi la dédicace? Prends-le bien dans le cul. Il sera encore un peu humide. Bon, bah oui, voilà, c'est ça la dédicace, c'est la cyprine. Il sera encore tout. Des choses, ça serait parfait, franchement. Il sera encore si ça. Tout collant et tu le mettras en micro en deux secondes, ça te fera pareil. Ah, trop bien, trop Quelle bien. Quelle horreur. Super. Bon, allez, salut Damien, salut David. Hein. Oui, je vais aller, bon week-end à vous, merci. Allez, ciao à vous et bon week-end pareillement. Je vous tous les deux l'arrêt, bonne c'est soirée. Jean-Claude, à bientôt. À bientôt, à la semaine prochaine. Voilà, c'est ça, on va plutôt faire ça à ce moment-là, effectivement. Mais quand tu veux, on fait oui, ça. Oui, ça ira. Hop là, c'est parfait. Tiens, c'est parfait. Mickaël, le podcast. Ah, l'Allemagne. Bon, il parle allemand, c'est déjà ça de gagner. Bienvenue dans le Polo Show. C'est vrai que j'ai un petit faible pour les femmes qui parlent allemand ou flamand. Mais bon, c'est comme ça, on ne se refait pas. Bienvenue dans le Polo Show, j'espère que tout le monde va bien. On va écouter un peu de pub et on se retrouve juste après pour commencer le Polo Show. Si vous préférez filmer sous la jupe de votre prof de maths quel au lieu de l'écouter merde. Vous expliquer les racines carrées, il y a une application pour ça. Si vous préférez brancher une bonne meuf par SMS au lieu d'écouter le prof de français vous parler de la concordance des temps, il y a une application pour ça. Et si vous préférez jouer au poker sur votre téléphone au lieu de répondre à votre prof d'anglais qui vous demande « Where is Brian ?», il y a même une application pour ça. Ouais. Sans branle, la nouvelle application d'Apple qui vous permet de passer le temps en cours, uniquement sur l'iPhone. Salut, c'est Katy Perry, c'est Energy et je suis dans les Polo Show. Et on est bien dans le Polo Show, on est au show, on en profite. Ça fait un peu marché, non? Un peu vendeur de marché à 10 balles ou Jean Balle. Qui est là? Allô? Allô? Oui, c'est qui? Strugbury. C'est quoi? Strugbury. Je comprends pas, c'est quoi? Strugbury, le jeu qui joue au ballon. Franck Ribéry. Ouais, salut. Ça va, Franck? Décidément, tu t'es là régulièrement en ce moment. J'ai de l'eau due. Quoi? T'as bu? J'ai de l'eau due. T'as mis la 2? J'ai dû. La 2? La 2 a pris un mordu. Lundi, Franck. Lundi. Bon, qu'est-ce que tu veux, Franck? C'était pour dire, j'ai bien réfléchi. Ouais. J'ai bien mis la bite. À qui? Oh, c'est vrai. Ah, ça y a. C'est qui? Ah, la fille avec le nœud dans les cheveux. Ouais, parce que en fait, c'était comme mon cadeau d'anniversaire. Ouais. Après, ils ont mis le nœud papillon sur la tête. Ouais. Je vois pas vite. Après, je joue au ballon avec elle. Franck, apparemment, ça te tient à cœur, cette histoire. Tu peux me raconter la genèse de... Comment ça s'est passé le début? De quoi? Comment t'as rencontré Genesis. Comment t'as rencontré Colin. Dans la musique. Non, pas Genesis, la genèse. Bon, toi, rencontré la fille où? En fait, c'est mon anniversaire. Genre, on allait aux avant de café. Après, après, j'ai rencontré un gars. Ouais. Un gars. Ouais. Et le gars, il m'a dit... non, c'est avant. C'est avant parce que j'ai dit... Non. Oh, ça, c'est dur la tête. Ouais. Bon, Franck, on va y aller. Après... Après, attends, il y a mon copain. Il y a un copain, il y a. Il y a Melbourne, là. Mm. Il a appelé aussi. Il est où? Il va expliquer, lui. Attends, je vais voir s'il est... Allô, Melbourne? Allô? Sydney? Ouais, comment tu vas, là hein? Ah, bah voilà. Hey, Melbourne, Sydney, j'avais pas très bien compris, là. Est-ce qu'il y a pas un peu... Tu veux pas... Juste Sydney pour vous, là. Non. lui, c'est le vrai Melbourne, parce que Sydney, il parle pas comme ça. Béchu, j'ai l'accent là, allez, putain, comment ça va, toi? Non. Béchu, là, il est antillais. Que racontes-tu? Mais que tu racontes, il est antillais. Quand c'est reconnu, là, tu racontes? Non. Je suis Melbourne. Non. Et là, le copain de Sydney, le frère de Sydney. C'est pas tout. Mais, qui c'est pas, alors? C'est pas tout. Là, c'est qui, là? Là, c'est Didi Dogbo. Je suis qui, là? C'est Didi Dogbo. Je comprends pas ton accent là, hein. Parle français un peu, hein. Il a dit t'es Didier Drogba. Ouais. Didier Drogba là. Eh mais tu sais que Didier, il était là-bas aussi. Il était au Zaman Café. Il a pris une fille, deux filles. Il a payé de l'argent. Non mais toi t'es un impostier. Toi t'es un impostier, c'est pas pour le vrai. T'es un impostier. Je n'ai jamais fait un postier. Tu m'as encore découvert là, hein. Toi, je suis footballeur. Non, tu es un imposteur. Toi, t'es un imposteur. Non, je ne suis pas un prêtre. Je tape dans le ballon. Non. Je tape dans le ballon, je non. Te dis. C'est pas Melbourne. Mais non, je... Non, là, c'est... Non, c'est Dakar Revue, ça. C'est Dakar Revue. Je te dis que si, là. Comment s'est passé aux Amman? Vas-y, dis, raconte. Mais toi, tu as payé combien, là? Mais il a fallu payer, c'est mon cadeau d'anniversaire. Oh ouais, toi tu as de la chance là. Parce que moi j'ai payé là. J'ai payé de l'argent. Elle avait le nœud papillon sur la tête. Ah, tu avais le nœud papillon sur la tête là. Et tu te rappelles comment j'ai enlevé le nœud papillon? C'était une trop bonne soirée là. On va voir si t'es un pasteur. On va voir si t'es un impostier. Ouais. Comment j'ai enlevé le nœud papillon sur la tête? Oui. Comment? Bien sûr. Avec la bite. Bon. Oh, c'est lui. Bon. Je suis la meilleure là. On va y aller. Franck, bien sûr. Deux secondes. Franck, petite conclusion. Oui. Parce qu'il y a une copine. Il y a une copine, elle est là. J'ai dit à la copine, t'appelles. Elle est là. Tu dis comment t'as enlevé le. Allô, la copine. Allô. Oui. Allô. Ouais, c'est elle. Ouais, c'est la pute, je t'avais pas. Ah, on a tout le monde, là, c'est bon, là. Vas-y, Yaya, qu'est-ce que tu voulais dire? Rien, en fait. Je voulais savoir si toi, t'avais pas des contacts pour que je recommence à travailler. Je suis un des mecs les moins connus du show business, voilà. Oui, mais justement, en ce moment, j'essaie de me faire discrète. Bah... Alors, tu vois, si je pouvais faire des passes à 50 ou 100 euros en attendant que ça fasse ce tas... D'accord. Ce serait bien, Polo. D'accord, bah, je vais essayer de voir... À me faire des passes à 50 ou 100 euros, moi, je connais pas des joueurs de Ligue 2, hein. Un joueur de Ligue 2, bah, elle peut pas. Bah ouais. Bah, je joue pour Bayern. Bon, on va se calmer, les gars. On va y aller doucement. Franck, tu fais une petite conclusion, on y va. T'as un pitch, en vélo. Bon, allez, dégage. Zaya! Oui, moi, je voulais arrêter les joueurs de foot parce qu'ils prennent toujours mes seins pour des ballons et après, ça fait mal à force de taper dedans. D'accord. C'est ta conclusion? Non, j'ai besoin de travailler, Polo. D'accord. Je suis pas la NPE. Je suis pas le pôle emploi de la prostitution, tu sais. Oui, mais fais quelque chose, Polo. Je peux rien faire, casse-toi d'ici, monsieur... Melbourne. Melbourne. Melbourne, Sydney, comme vous, bon. Tu peux m'appeler comme tu veux. D'accord, là. Vas-y. J'ai fait des soirées avec des prostituées, je les prends, je les baise, 1, 2, 3, la danse de l'arc-en-ciel, je prends du massé, en même temps, je bois le champagne, et hop, 3 coups de bite, hop, et j'éjacule. Bon, d'accord, merci, monsieur... Je t'embrasse, si tu peux faire des soirées avec nous, là, avec plaisir, là. Ok, allez, dégage, générique de fin, s'il vous plaît. Patience. Le Polo Show va bientôt se terminer. On apprend des choses dans le Polo Show. Je vous l'ai dit, c'est une émission culturelle. Qui est là? Monsieur? Vous savez qu'on est off là, on a fini l'émission là. Eh ben, moi ce soir, je suis en week-end. Ah, et ben bon week-end, monsieur. Je me suis toujours posé une question. Vous faites quoi comme métier dans la vie? Tu sais ce que je fais? Bah non, je veux bien le savoir. Je m'occupe de Sabra. C'est pas un métier, ça. Bah, il y en a combien un métier qui s'occupe bien de je sais pas quoi, de blonde, là. Ouais. Mais c'est pas un métier. Arrête de mentir. Qu'est-ce qu'il y a, Sabra? Les gens, ils croient ça, après, c'est pas vrai. Eh ben, comment tu te l'achètes, ta smart? Hein? Mais je l'ai pas payé, c'est pas à moi. On va y aller, monsieur, on va y aller. Oh, j'en ai marre. Okay. Ne m'appelez plus. Mais on vous aime, on vous aime. Ne m'appelez plus jamais, Sabra. Okay. Oui. Je te pisse au cul. Je préfère comme ça. Voilà, c'est achève le Polo Show. Merci à ceux qui l'ont écouté. Et merci surtout à ceux qui n'écoutent pas, car grâce à eux tous les soirs, je suis dernier. Et ça, c'est beau. On y va. Allez, je suis parti. Mickaël, tous les soirs, 21h minuit sur Énergie. Et l'intégrale en podcast sur énergie.fr.